IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui. Ah, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il se boit une lampée devant mes yeux, ébahi. D'une bonne boisson très chère. Comment vas-tu, Adrien? Ça va. Oh là. Non, en fait, là, je suis dans une période. Je sais pas si j'ai atteint une forme de sérénité ou si je suis vraiment en dépression complète. Donc on va vous, l'avenir nous le dira. C'est frontalier. C'est ça, non mais je suis chez moi, je me dis là, j'ai envie de rien, je suis bien et tout. Donc soit dépression, soit la plénitude. Oui. Un peu des deux. C'est ce que je vise. Notre premier invité est auteur, réalisateur, comédien, humoriste et seul mec drôle au César chaque année. Vous l'avez vu dans Irréductible, Retour chez ma mère, Babysitting 2 ou encore Jack Mimoun, dispo en VOD, pensez à ma SACD. Il arrive sur Canal+, avec son sketch show Le Monde Magique de Jérôme Commandeur, 8 épisodes de parodie d'émission. Qui ça peut bien être? Oui, tu vas être surpris. 8 épisodes avec de nombreux guests, c'est super marrant, mais j'ai appris que je partageais quelque chose avec lui d'assez marrant aussi, la ligirophobie. Les ballons. Ouais. Il a peur des ballons de baudruche. Donc peur des ballons de baudruche. Ils explosent, bien sûr. Bah, oui. Non, oui, qu'on les tripote. Tu sais, puis du coup, ça. Mais là, tu t'inventes ça pour avoir de la connivence avec Pas du tout. C'est... Ouais. Bah, j'aurais pu parler. De... Depuis 10 ans, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais on n'est pas si proche, Adrien. C'est que dans le travail. C'est tu vrai, sais c'est très vrai. Bien. Le prénom de ma fille. Daniel. Claude. Bon, bref, c'est Jérôme Commandeur. Ouais. C'est Jérôme Commandeur le prénom de ta fille. Ouais, Jérôme. Ah, vraiment, tu cherches la connivence, vraiment. Ouais, jusqu'à l'état civil. Pour percer, je suis prêt à tout. Non, mais j'entends. Non, mais il y a beaucoup d'émissions qui. Quand tu, une fois que tu as dit ça, moi j'ai regretté parce que du coup, à chaque fois, on m'amène des ballons. Oh non. Ouais. Fort Boyard. Ouais. Ouais, ferme le truc. Les ballons. Ah oui, pardon. Annuler le happening. Mais sur les trucs de Nouvel An, c'est une cata du coup. Tu peux pas. Tu ne fêtes pas la nouvelle année. Pas à la télé en tout cas. Ouais, c'est et c'est vrai que ça m'est arrivé une fois. Je lève la tête et c'était. Je sais plus l'émission il y a très longtemps et il y avait mais un 38 tonnes de ballons d'anniversaire du McDo quoi les ballons. Et je me suis barré. En courant. Notre second invité est auteur, comédien, humoriste. En plus de ses chroniques dans Zoom Zoom Zen et de ses rôles au cinéma, comme récemment dans Antong au pied de l'Himalaya ou dans Nouler le Roi, dispo en VOD, pensez à MSCD. Il fait le tour de la France avec son nouveau spectacle Félicitations et tout qui finira à l'Olympia. Tout à fait. Qui finit à l'Olympia ou à Paris, finit à l'Olympia et je finis exactement à Palavas les Flots. Allez. Voilà, je vous fais rêver. Il reste dans sa DA celui-là. Voilà, exactement. Si vous voulez une preuve qu'il a percé, il y a carrément la liste de ses persos et leur nombre d'apparitions respectives sur sa fiche Wikipédia. J'ai vu ça. Là, il y a du gros fan. C'est exceptionnel. Et c'est pas tout à fait à jour, si je peux me permettre. Petit taquet quand même. Même Elie Semouny l'a pas ça. Bien joué. C'est Benjamin Tranier. Bravo. Bravo. Merci. Ça fait très plaisir de vous recevoir tous les deux. Oh, merci. C'est un vrai plaisir. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez maintenant? 3-4 ans, non? Oui, je dirais. Vous êtes rencontrés comment? Sur Grindr. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Dès que je pouvais placer dans mes mini-interviews que j'étais fan de Jérôme, je le disais. Je pense qu'il avait dû avoir des Google Alert toute la semaine en disant « Mais c'est qui, lui, qui me cite à chaque fois ?» Et voilà, et on a fini par se rencontrer. Oui, il y a une chronique qui se dispose sur YouTube. Oui, exactement. Ensemble. Il est venu gentiment sur Inter. Sur Inter. Ouais. Alors, bah, c'est toujours compliqué de dire du bien des gens quand ils sont là. Bah oui. Je préfère dire du mal et dans leur dos. Mais t'es à la bonne adresse. À la bonne adresse. Ouais. C'est ce qu'on faisait avant que ça enregistre, je précise. C'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment. Moi, je. De toute façon, il a pas besoin parce que c'est plein. Mais c'est, je lui ai dit, quand je suis allé le voir au petit gymnase, ça, il y a 7-8 mois, et ça arrive rarement, hein, si vous, tous ceux qui nous écoutent, comptez les fois où ça vous est arrivé quand vous êtes allé voir des spectacles d'humoristes, au bout d'un moment, j'en avais marre de rire. je riais tellement qu'au bout d'un moment, j'ai regardé mon pote Gauthier, ben voilà, Lovato, que j'embrasse, qui m'a emmené voir Benjamin. Et j'ai dit, là, j'arrête. Et ça, pourtant, les vannes, elles continuaient. Je dis, non, mais Tu sais, comme j'ai plus faim là, vraiment. Je vais faire une petite pause. Et suite à ça, on a rajouté des temps calmes. Parce qu'il m'a dit, franchement, c'est génial, mais il y a un moment, on n'en peut plus. Du coup, j'ai mis des petits moments un peu temps calme pour pouvoir respirer. Oh, sinon, le king. C'est sublime. Ouais, un grâce king à de l'humour. Bah, t'es trop. Ah là, ça, ouais. Il a une couronne sur sa tête, regarde là. Alors, comme c'est too much, là, si je peux me permettre. Comme à l'accoutumée, on va faire les news du Floodcast. Ah. Est-ce que vous savez le point commun entre Zendaya, la frige, la mascotte des Jeux Olympiques, Kamala Harris, oui, je l'appelle la frige, moi. Moi, j'ai une certaine connivence. C'est son nom, non? Oui, c'est son nom, c'est son nom. Oui. Le prends pas perso. Alors, non, mais attends, je sais que le créateur attends, de la Zendaya, frige, l'écoute, oui, c'est vrai. La frige, Kamala Harris. La frige, Kamala Harris, Zendaya, les cafés espresso, moi. Et la chanteuse Chappell Roan. Ah oui, c'est très différent. Wow. Ah si, attends, je crois que j'ai entendu parler. Oh, tu l'as vu passer, tu l'as spoté? Mais j'ai oublié. En lisant Le Monde. J'ai oublié. Il y a un point commun entre toutes ces gens et choses, parce que c'est pas que des gens. Ah bah alors attends. Ça a à voir avec la pub? Pas avec la pub. Est-ce que c'est un rapport avec Internet? Oui, très. Enfin, pas que Internet, mais oui. Les médias. Ça a un rapport avec les médias en règle générale. Les choses les plus tapées, demandées? Alors pas les choses les plus demandées, mais on s'approche. C'est moins Internet que est-ce la télé, que, par exemple. Les gens qui ont des faux comptes, non? Non. C'est pas un truc. Non. Ah, des records d'audience? Pas des records d'audience, mais c'est plus la télévision. Je disais Internet, plus en vrai, télévision. C'est plus la télévision. En termes de quoi? D'apparition? Ouais, plus. Qu'on l'a plus vu. Alors qu'on a le plus cité, mais d'une certaine manière. En mal? Non. La frige a pris très cher. Bah, non, non, plutôt l'inverse. Bah, hein, les gens l'aimaient. Il y a eu un vrai comeback de la frige. Elle a fait ce qu'on appelle une footix. Une footix, en vrai. Footix, on se foutait de sa gueule au début. J'allais dire à Fida Turner, mais oui. Ah, ouais, ouais. Ou Joule, tu vois. C'est on se moque au début, puis d'un coup, hop, les gens peuvent s'instiller. Oui. Et la frige a fait un peu ça, je trouve. Alors, cité. Sachant que les cafés espresso, c'est parce qu'une chanteuse, Sabrina Carpenter, a fait une chanson qui s'appelle Espresso. Voilà, c'est pas gratos que les cafés espresso soient cités dans cette liste. Wow. Et c'est donc une chanson sortie en 2024. Ah, et donc est-ce que le point commun tout ça, c'est un titre? Alors c'est pas un titre, c'est lié à l'année 2024. C'est un mois. C'est en non, c'est en chanson. Si pas en chanson, bah non, pas en chanson. Peu de chansons sur la frige, il me semble. T'as pas vu le dernier titre de Renaud? Foutu frige. Foutu frige. Serre-moi la pince, la frige. On s'en jette en dernier derrière la cravate avant que les JO s'arrêtent et que tu retournes aux cravates. Renaud, ah oui, je voulais dire Renaud, ça ne rime même plus. Si, il fallait deux fois sur trois, ça rime. Quand il est en impro, je crois. Enfin, je crois, hein. Oui, il faudra lui demander. Tu le connais pas perso. Oui, c'est ça, oui. Bon, ah, il est autour de la table. Oui, il est là, il est à côté de moi. Je vous l'ai c'est dit. La dépression, hein. Je presse du coup. Non, c'est la dépression. C'est donc bien la dépression. C'est bien. C'est vrai, qu'est-ce que cité ça... d'une certaine manière par quelqu'un, par des gens en général, par la par un média, des gens répondent, des animateurs télé, des journalistes en hurlant, pas les mots les plus hurlés. Je vous redis Pascal Pro. Non. Non mais ça pourrait, pas mal, ça pourrait. Pas mal, pas mal. Ça pourrait. Oui, Zendaya la j'aimerais bien cette stat. Est-ce que c'est cité à un endroit précis? Non, c'est vraiment dans les médias. C'est En France uniquement ou dans le monde? Dans le aux États-Unis. Très bonne question. Oh, aux États-Unis. Donc la frige. Je vais vous dire qui a fait le sondage et peut-être ça va vous donner un indice. C'est l'application Babbel en association avec le British. Mal prononcé. Mal prononcé. Exactement. C'est les mots les plus mal prononcés par les médias. Attends, et les gens en toi général. Toi-même t'as dit et Chappell Roan. Alors que c'est. Que c'est Chappell Roan. Je vais te mettre une gifle. Et pourquoi attends, Zendaya? Les gens, ah bah Zendaya, on a appris récemment que ça ne se dit pas Zendaya, justement. C'était, ouais, j'ai oublié. Mais ça m'avait énervé. On avait nous, dit la vraie. C'est nous qui sommes dans l'erreur alors. Mais attends, mais espresso, ça se dit pas espresso? Parce que je pense que les gens disent expresso et c'est espresso, je pense. Voilà. Ah, je pense. Eh oui. Enfin, je pense. L'application Babbel. Un petit perso là. Un petit perso. L'application Babbel a partagé les mots et noms les plus mal prononcés en 2024 avec l'aide du British Institute of Verbatim Reporters, une organisation pour les professionnels du sous-titrage. Leur liste se base sur les mots avec lesquels les présentateurs de New News, les politiciens et autres personnalités publiques aux États-Unis ont eu le plus de mal à prononcer. Ah, tu peux redire la liste du coup? Ouais. Parce que du coup, alors il y a d'autres mots, mais je vous ai dit les plus connus: Zendaya, la frige, Kamala Harris, les cafés espresso et la chanteuse Chappell Roan. Ouais. Mais et parce que Kamala Harris, comment ça se prononce? Bah, Kamala Harris, j'imagine. Peut-être que eux se plantent, tu vois. Ouais, mais après faut voir où est-ce qu'ils mettent le Kamala. Mais faut voir où ils mettent le curseur de la, tu vois. Si tu dis pas Harry, c'est ce que si tu non, dis Harry, c'est plus compliqué. Oui, ça, je pense que c'est plus compliqué que ça, Adrien. Fridge, bon, évidemment qu'il prononce mal aux États-Unis. Bah oui, Fridge. Vous avez un bon. Même nous, on sait pas. Ouais, vous avez un bon rapport avec les gens qui parlent bien anglais ou pas? Bah non, tu comme tu peux, comme tu peux le voir. Non, mais c'est-à-dire. Moi, ça me met pas mal à l'aise parce que si, c'est si, bien en fait. C'est mais quelqu'un qui parle très bien et qui est français et tout, ça peut me tendre un peu. Il y a un côté ça pédé. C'est mon côté chauvin. mais arrête avec cet accent là, parle normalement. Oui, oui, oui, mais comme les Québécois quoi. Brownie. Mais le truc c'est, en fait, moi je différencie les gens qui parlent bien anglais et les gens qui parlent bien anglais et prononce dans une discussion en français les mots anglais ça, avec l'accent. Ça, et là, ça m'énerve. C'est ça, oui, c'est ça, je en comprends. Fait, on fait l'effort de mal. Oui, voilà. Ouais. Non, mais là, on parlait de mauvaise prononciation. je dis Chapelle Rhône. Ouais, bah, dans la vraie vie. Voilà. Bah, moi qui travaille un peu avec des Anglais, eux ils préfèrent largement des Américains. Des States, Los Angeles, capitale du cinéma. Ils préfèrent carrément le français plat qui fait pas d'efforts. Parce que je pense que mon accent est terrible. Donc ils disent non. Te fais pas chier. This is the deadite. Voilà, ils veulent vraiment que je parle comme ça. Parce que vraiment, j'ai essayé au début et vraiment, ils comprenaient rien du tout. Mehdi Maizi qui dit ça parce qu'il fait des interviews de rappeurs anglo-saxons parfois. Mm-hmm. Et les gens se foutaient de la gueule de son accent et disaient, mais en fait, les gens comprennent mieux comme ça que si j'essaie de faire un accent américain et que du coup, je bouffe les mots et tout, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que vaut mieux pas se faire chier. En plus, c'est un charme de vie assez courante. Mais que tu conseilles dans ton podcast, Jérôme, d'ailleurs. Oui. On peut appliquer. Oui, alors non, moi c'est plutôt un podcast de bien-être. Là, j'ai ouvert un petit cabinet de sophro dans le sud. Voilà, j'ai un peu arrêté le métier. Et enfin, je prends un peu le champ, un peu de. Voilà, et puis alors ça se met en place tout doucement, hein, bien sûr. J'ai goûté sa tisane, c'est exceptionnel. Ah, oui, oui. Ah non, il fait sa propre verveine et tout. Voilà. Ah, on se régale quand on va chez Jérôme. Oui, alors c'est un peu clair. Ouais. C'est un peu aqueux. Oui. Il y aurait peu de verveine dedans, j'imagine. Oui. Voilà. Et puis après, moi, je suis content. J'ai la mairie de, j'ai la mairie de la Grande Motte où ils sont en train de venir. On fait des stages un peu de sophro. On parle. Oui, mais t'avais besoin de partir de Paris, moi. Tu m'avais dit de toute façon. Après le Covid, j'ai tout lâché. Tout. Puis j'avais envie de. Voilà, c'est comme une espèce débranché, de débranché, quoi, un peu. Ouais, débranché. Ah ouais. Voilà. Débranché. Ça, c'est on le dit aux gens. Débranché. Débranche. Ah, France Gall l'avait dit déjà. Ouais. Alors j'ai d'autres mots. Clo-Clo aurait dû. J'ai noté pas mal de mots qui sont mal prononcés et dont certains j'ignorais que ça se prononçait comme ça, qu'on prononce mal en général. Il est fréquent que certains mots, pourtant non difficiles, ne soient pas prononcés correctement. Par exemple, sourcil. On dit sourcil. Le L est muet. Ouais. On dit sourcil. Un sourcil. Eh oui, non, mais. Ce qui est énervant parce qu'on dit pas un si. On dit un cil. Donc du coup, tu dis bon. Me dis pas qu'on dit ananas parce que ça va m'énerver. Hein. Non, ananas, on dit. Okay, on dit ananas. Par contre, les comment mœurs... le prononçait Dieudonné? Oui, c'est ça. Vous l'avez tous un peu en tête. Et puis... Vous êtes pas nanasurez-vous. Moi. Ma maison. Ma maison est ananasurée, le reste je suis à la MMA. Il y en a pour 800 par mois, mais non, ça se passe bien. Les mœurs, c'est les mœurs. Oui, mœurs, d'ailleurs, toi, oui, moi je dis les mœurs. Ah, mais moi, attention, moi je prononce tout très mal. Non, mais c'est vrai, je le dis. Parce que tu le dis dans le live Floodcast, tu disais la musique adoucit les mœurs. Ah oui, du coup, ça c'est enregistré. Débile. Non, mais pas du tout. Un mania de la presse, et bien c'est un magna. De la presse et pas un magla, je crois. Ouais, c'est magla la scrimeuse. Un magna de la presse. On ne dit pas d'un oreiller qu'il est moelleux, mais moelleux. Waouh. Eh oui. Ah non, bah mais oui. Là, bah non, c'est un moelleux. Ouais, c'est vrai, c'est logique. Moi, je dis pas moelleux, je dis moelleux. Moi, je dis un moelleux au chocolat. Ouais, c'est ça. Tu dis quoi? Un moelleux au chocolat. Ouais, en fait, le truc, moi, je dis, oh, l'oreiller, il est tout mou. Après, c'est moi. Ah, le gros patapouf d'oreiller. Comme ça. Adéquate, on ne dit pas le T, c'est adéquat. Ça pareil, je crois que je le dis. Et on ne dit pas on dit consensus et pas consensus. Ouais, consensus. Consensus. Ouais, t'énerves après, pas. Non, mais après, je rappelle que l'usage fait la norme. Oui. En termes de langue, voilà. Ils disent ça chez Larousse. C'est en première page du Larousse. Oui, on a fait ça, mais bon. Si. Vous dites comme vous voulez. Hein. Si vous ne savez pas lire le phonétique aussi. C'est aussi un peu de l'impro. Ouais. Et les mots les plus écorchés en règle générale, astérisque. Ah, les oui. gens disent astérisque. Ah oui, ça m'étonne. Il a pris le pas. Ouais. Et reblochon, les gens disent reblochon. Oui. Et moi je disais reblochon, effectivement. Reblochon. Obnubilé, les gens disent obnubilé avec un M. Non. Bah, il faut dire obnu. Ah oui, c'est d'accord. Les gens disent, les gens disent aussi obnubilé aussi. Ah oui, c'est vrai. Obnubilé. Infarctus et pas infractus. Fractus, tu voilà. me donnes. Et rébellion et pas rebellion. Attends, on dit du, quoi du coup rébellion. Rébellion. Ah oui. Rébellion, oui. Mnémo, M-N, technique oui. et pas mémo technique. Oui. Ah, c'est mné. Bah oui. Putain, mais moi je l'ai mémo technique. Ouais. Johnny mnémonique. Johnny mnémonique. Bah c'est. Mais non, mais c'est vrai. On le cite beaucoup trop, ce ouais, film. Ouais, mais à chaque ah fois, ouais, mais bizarrement. Mais j'écris, mais ça s'écrit M-N-E-M-O. Ouais. Ah ouais. M-N-E-M-O. Putain. Eh. Non mais on en apprend de belles. Peut-être le podcast le plus intelligent depuis longtemps. On va vite y remédier. Vincent Lagaffe, non. connaissez-vous le syndrome du loup-garou? Ça a un rapport avec la nuit. Ça n'a pas un rapport avec la nuit. Ça a un rapport avec l'animal, le loup. Alors d'une certaine manière, oui, est-ce, mais... Est-ce que c'est... le cri genre, pas le cri. Le fait de montrer un certain visage à certaines personnes et en fait de changer de personnalité ou quelque chose comme ça. T'es un enfoiré de poète. Mais ce n'est pas la réponse. Okay, syndrome du loup-garou. Donc tu dis c'est ça... très simple. Hein, c'est... Est-ce que c'est quand la journée t'es un homme et les nuits de pleine lune tu deviens un loup? Tu deviens comme le loup-garou. Ouais, bah... Putain, dans le mille, incroyable. Ça existe. C'est ça. Non, c'est pensez aux caractéristiques d'un loup-garou. Avoir beaucoup de poils. Voilà. Donc c'est très simple. C'est juste ça. Ah, oui, d'accord, non, c'est okay. très simple. Mais ce n'est pas ma question. Ma question c'est que c'est le cas de 11 bébés. Moi, je l'ai dans le trou de balle, je crois. Ouais. Non mais t'as vu que c'était trop intelligent, je me suis ouais, dit bon ouais, on va quand même ouais. Les poils dans le cul, les poils. Alors Jérôme, un sketch show. Non, je trouverai un, ah, on a, j'ai un perdu moment Jérôme, plus là. Jérôme, c'était un personnage, hein, je précise. Vous venez pour donc la Fondation pour l'enfance. Oui, c'est ça tout à fait. Bah, pardon, mais à l'époque de Pat Seb, des fois c'était ça les virages. Hein. Ça passait d'un hommage à Jacques Brel très triste à allez dans le cul maintenant. Enfin, c'est, on se mouillait pas la nuque, hein. Ça allait directement. Hein. C'était l'un dans l'autre. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est et vrai. Ça faisait des cartons d'audience parce que quelque part c'est ça la France. Parce que c'est ça la vie, ouais. Ouais c'est ça la vie, ouais. Donc, oui, 11 bébés ont été recensés récemment avec le syndrome du loup-garou. C'est vrai qu'ils sont. Recouverts de poils. Recouverts de poils. Des bébés poilus. Bah, je peux pas te dire mieux. Humains. Humains. Parce que si c'était des bébés loups, par exemple, très normal. Assez normal. Ça, c'est le plus chiffre 11 est même minime. Inquiétant même. À votre avis, pourquoi ces bébés souffrent du syndrome du loup-garou? Il y a une explication. La nourriture. Pas la nourriture. Est-ce que c'est quelque chose genre hormonal? Genre la mère a pris quelque chose qui a déréglé les hormones? Alors c'est pas hormonal, mais dans ta réponse, tu dis quelque chose de là, ça vient des parents. Okay. La situation géographique. Pas la situation géographique. Bah, c'est le vaccin. Depuis le temps que je le dis. C'est le vaccin. Voilà, on voulait le dire, c'est une énorme. Alors, ce n'est pas le vaccin. C'est donc quelque chose. Attends, les parents. Les deux. C'est pas les deux. Ah, la mère. L'autre. Le père. Oui. Pas forcément. Oui, Adrien, bien pas sûr. Forcément. Tu m'as mis la tête dans ma merde et t'as bien raison. Non, le non, père, d'accord. le père. Le géniteur. Voilà. Bah là, en l'occurrence, c'est des papas. C'est à donc cause de papas. C'est un vrai indice de dire que ça vient des papas. C'est quelque chose qui consomme très bonne voix, là, du côté de la matraignée. Pas la vape. La vapoteuse. La Guinness. Non. Si t'envoies les darons de chacun. Mais c'est pas de la nourriture, d'accord. C'est pas de la nourriture. La Guinness, non. Des protes. Gifler des gosses, non. C'est pas mon père. Pas les protes. Est-ce mais on s'approche, hein, c'est un quelque truc chose qu'on de utilise. Type un peu complément alimentaire. Non, pas alimentaire. Est-ce pas qu'on l'ingère en le mettant dans sa bouche et en l'avalant? Alors attends, je sais pas, mais non, on l'avale pas. Le crack. Attends, les 11 enfants, c'est au même endroit? Non, c'est okay. dans différents endroits d'Europe, mais principalement en Espagne. Est-ce que mais c'est... ça te donnera pas un indice est-ce sur que le produit? C'est pas la pata negra. Non, non. Parce que là, je suis dans la merde. Est-ce que c'est de la cortisone? Ce n'est pas de la genre cortisone. Genre, ils mettent de la cortisone sur la peau. Non. Ou quelque chose mais tu t'approches. Ce n'est pas eczéma. Non plus Philippe Corti, le DJ. Ah. C'est. Est-ce que c'est cutané? Cutané, c'est-à-dire. Sur la peau. C'est sur la peau. Oui, c'est cutané. Ils se mettent de la. Mais c'est pas sur la peau. C'est dans un endroit du corps. Ah, ouais. Est-ce que c'est le lube? Ouais, c'est pas du lube. Non, ce n'est pas du lube. Et d'ailleurs, à tous les auditeurs, vous pouvez vous luber à fond. Il n'y a pas de danger pour vos enfants. Ne vous inquiétez pas. Non, ce n'est pas du lube. Ce n'est pas mais c'est un rapport avec cette partie et un rapport avec cette partie. Pas avec la partie anale, non. Ni la teub. Ni teubale. Ah bon non, ouais. Ni anal ni tebal. C'est quelque chose qui se met sur une partie précise du corps. Tout à fait. Les pieds. Rien. Pas les pieds. Les yeux. Oh non, je suis avec ma fille d'apprendre les. Là, les oreilles. Alors non, mais les oui. cheveux, les cheveux. Très bon. Du gel, du pento. Pas du gel. Du... Ah, ah, pour, c'est assez logique pour faire en fait. Pousser les cheveux. Pour faire pousser ah, les oui. cheveux. Oh waouh. Attends. Oui, une lotion anti. Alors pas pour anti. Mais donc ça marche, mais la génération. Ouais, mais bah, trop. Enfin, je veux pas de cheveux sur le dos, moi. Bah oui, oui, bah attention. Ouais. Attention. C'est un phénomène étonnant. L'utilisation du minoxidil, une lotion ouais. contre la perte de cheveux. Tout le monde l'utilise, c'est hyper connu. Alors, me montre pas. Tu vois bien chaud, mais moi aussi. Mais aucun cheveu autour de la table. Ouais, d'accord. Ouais, oui. Suite à l'alerte de médecins espagnols, l'Agence européenne du médicament a recensé 11 cas de bébés touchés en Europe. Elle recommande d'éviter tout contact entre les bébés et les zones où la minoxidil a été appliquée. Donc c'est pas hormonal, c'est ah, les c'est papas. Les bébés, ils touchent les cheveux. Ouais, ou les papas qui se mettent sur leur touchent ensuite leurs enfants. Et comme un truc qui fait pousser, ça. Oh non, ça me semble. C'est farfelu. C'est pas génétique, c'est non. toucher l'enfant, c'est qu'il est né. C'est ça. Waouh. C'est ça. C'est-à-dire paraît... que potentiellement, si tu le fais sur un adulte, peut-être ça marche aussi. Je ne sais pas. Le minoxidil, une lotion appliquée. Donc ça marche sur tout, sauf sur les crânes de chauve, quoi. Ouais, ouais. Apparemment, ouais. parce que visiblement, ça marche pas sur non. les chauves. Le minoxidil, une lotion appliquée sur le cuir chevelu, est un produit contre la calvitie chez l'homme qui ne nécessite pas de prescription médicale. Il a démontré une certaine efficacité, quand même, là, le debunker. Je pense que c'est un coup de pub du minoxidil. De faire pousser des cheveux pas sur des bébés. Ah non, mais de dire, regardez, ça marche tellement qu'il suffit de toucher un bébé et bam, il est recouvert de poils. Et ça devient un loup-garou. Ouais, ouais, c'est un coup de pub. Achetez notre produit, du coup. Parmi les effets indésirables figurant dans le résumé des caractéristiques des produits, on trouve en effet l'hypertrichose, qui correspond à l'apparition de poils indésirables sur des zones hautes que le cuir chevelu. Donc ça, c'est déjà sur la boîte. Ils te disent, si t'en mets sur tes cheveux et que tu touches ailleurs, tu peux avoir des excès de poils. Ailleurs sur ton corps. Et tu as douté tout à l'heure du fait qu'on puisse l'avaler. Tu t'es posé la question, je ne sais pas si on peut l'avaler. La réponse est non. Un bon verre de minoxidil. Je ne savais pas ce qu'était du minoxidil, si ça se trouve c'est un médicament, tu vois. Oui. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Après, tu veux que tu saches que je suis très stupide aussi. Hein. Non, ça c'est faux. Non, mais écoute, t'es pas le seul. Les sangliers. Non, tu savais pas si les sangliers étaient des mammifères. J'avais douté sur le fait que les sangliers étaient des mammifères. Genre les sangliers pondent des œufs, c'est ça le truc. Ouais. C'est là ce qui prouve, voilà. C'est, non, ça va mais un peu écoute, vite. C'est quoi c'est un... Les écailles de sangliers. C'est un mammifère. C'est un mammifère. C'est ah oui. Oh et... Jérôme, merci. Ah, donc, ah merci Jérôme. J'aurais pas été ouais, si ouais. définitif. Bah, des mamelles de sangliers. Oui, bah, de... oui, voilà. Oui, ça va là, espèce de. Non bah, quoi bah, c'est mon petit jardin secret. Arrêtez, ça m'excite. Ouais, ça m'excite. Mamelle de sanglier. Les petites gougouttes de sanglier. Ah, ouais. Alors. Mais ce passage chez l'enfant avec de telles conséquences n'avait pas été mis en évidence. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce phénomène chez l'enfant, dû à un contact avec un père, est réversible en l'espace de quelques mois. Quelques mois chez un enfant, c'est long. Mais ouais, c'est des bébés, ça va. Ils sont pas encore à l'école et on se moque pas d'eux. Ouais, moi je me moquerais. Si ma fille avait ça, je me moquerais d'elle au sein de mon foyer, tout de même. Le magazine Diverto. Donc pas de la merde, attention. A lancé un sondage pour. C'est français ça ? C'est français. Ah bon ? Ouais. Oh, je connais même pas. C'est pour ça parle c'est de divertissement ? Oui, c'est un petit sucre. C'est genre le Parisien Weekend, comme ça. Un truc du style. Ah oui. Non non, c'est connu. Tu connais ? Ah oui, Jérôme. Ah, c'est, un gros truc, c'est oui, oui. pas. Ah ouais. Et Jérôme et Jérôme lit la presse, ça qu'il faut dire. Oh, c'est... la presse papier. Oh bah, ce qu'on lit sur Internet, faut pas. Oh, ah, non, pas non, oh là là, ah, il écrit de ses conneries. Donc oui, a lancé un sondage pour connaître les 10 émissions préférées des Français. Je vous demande évidemment le top 10. Bah, le top 10 actuel. TPMP. Alors TPMP est 10e. Ouf. Okay. Ouais. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré est 3e ex-aequo avec un autre programme. Mario au premier regard. Il n'y a pas. Koh-Lanta. Et ben Koh-Lanta est en même temps que l'amour est dans le pré. Fort Boyard n'en fait pas partie. Ah bon. Ouais, mais c'est ouais, fou ça. What ouais, c'est dingue. Féline dans la tête de tigre. Je suis à ça de renverser la table. Je suis foudrage moi-même, mais. Il n'y a pas Fort Boyard dans le top 10. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des émissions un peu cultes, genre téléfoot, automoto, turbo? Il y a Turbo. Il y a Turbo, la chaîne M6, numéro 7. Bon, oui. Dominique Chapat. Ah, des belles bagnoles. Des belles bagnoles. Qui s'était fait traîner, c'est ça? Dominique Chapat, il y a un mec qui avait essayé de. Non, mais c'est. Non, j'en sais rien, peut-être. Je sais pas, Jérôme, mais bon, c'est fait traîner. Il a l'anecdote aussi. Tu l'as l'anecdote? Ah, il l'a, wow, non, génial. Je crois qu'il a fait un sketch avec Michael Youn. Et que la portière s'est mal refermée. Oui, c'est ça. Et je crois... Ah non, moi je crois qu'il s'était fait voler sa voiture. Ah non, c'est avec une, ouais. Ah, wow. Il s'est pété la cheville, je crois. Il y a eu un truc terrible. Ouais, et là, et je sais plus qui conduisait. Et on le voit tomber. La voiture a traîné Dominique Chapatte. Le pauvre Chapatte. Le pauvre Chapatte. Oui. Qui d'habitude est plutôt quand même bien, bien mis, quoi. Ouais, les solide, marques solide, solide sur ses appuis. Solide. Ouais. Ça fait 27 ans. La seule fois qu'il présente la bagnole de l'extérieur, il est. Ça a été la connerie. La fermeture éclair est restée dans la portière. Du coup, je suis parti avec la. Ah putain. C'est fou ça, Dominique, ce qui était. Mais alors, ceci dit, c'était qui? C'était. Alors, je crois que c'est un peu moins marrant parce que c'est quelqu'un qui avait visé exprès. C'est Claire Chazal qui s'était pris un saut de merde. En direct? Un saut de merde. Wow. Pas pendant le JT. Wow. Ah bon? Non, un saut de merde. C'était de l'acide. Et c'était pas du caca? Non. Non, c'était de la merde. Je te le dis droit dans les yeux. Non, non. Peut-être une diarrhée. Non, je me souviens, sérieux, c'était un truc d'acide. C'est vraiment pas la même chose. Elle serait décédée. Ça peut être un caca acide. Ouais, c'est ça, une diarrhée un peu. Je vous laisse lire ce titre de Le Parisien. Excrément déversé sur Claire Chazal. 4 mois avec sursis. Eh oui, donc non. Avec sursis. Ah oui, non. Ça va. Le Parisien dit que c'est du caca. Après, attention, comme toute news, faut recouper. Oui. Il faut recouper avec d'autres sources. Même l'IA sur le coup là. Alors attention, vous imaginez dans une salle d'arnaque, tu peux me recouper le caca sur l'acide là. Sur Claire Chazal. Bordel, c'est du caca ou l'acide? Enfin, on est une équipe de 200. J'imagine les hommes du président avec Robert Redford. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? C'est à 6h du mat et tout avec 3 carafes de café autour. Oh, cet article va me bouffer. C'est du caca, c'est bien du caca, monsieur le président. Ouais, de ce monde où on s'étonne plus de rien, quoi. C'était là. Ah oui, c'est vrai que le gars a pris. Foutu un saut de merde sur Claire Chazal. J'ai ça avec le costume de Jordan Deluxe. C'est-à-dire que Jordan Deluxe reçoit quand même beaucoup de gens et personne dit mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement Jordan Deluxe. Non mais voilà. Le nom aussi hein. Oui tout mais si on va par là. Disons-le, c'est un tout. Mais le costume est vraiment quelque chose quoi. Et Jérôme, vous gagnez combien? Dirait qu'il est excité par le prix que les gens gagnent, c'est assez fou. Parce qu'en 2001, tel acteur a dit ça de vous. Ça vous a énervé à l'époque? Ça vous a énervé ou pas? 35 ans après, ça vous a énervé? Alors, oui, ou les gens qui sont complètement hors sol. Bah non, moi j'ai besoin de quoi? 50 000 euros par mois. Je vis quoi, je dois gagner, ouais, je sais pas, un demi-million d'euros par an, je vis, j'avance, et puis après, bah, on fait comme tout le monde, on fait attention. Non mais c'est l'argent de l'entreprise, ça n'a rien à voir. C'est l'excuse de tous les riches. Non, c'est l'entreprise, il y a des frais quand même. Alors, donc vous avez dit TPMP 10e, Turbo 7e, Koh-Lanta, l'amour est dans le pré, il vous en manque encore pas mal. Est-ce que c'est des émissions encore diffusées? Ouais. Oui, alors c'est que des trucs que de 2024. Il y a des jeux télé? Il y a des jeux télé, bien sûr. Ah, 12 coups de midi. Premier. Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann. Ah bah oui. Ah oui. Ah et... bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, je me dis qu'il écoute peut-être. Jean-Luc? Non, il y a un candidat qui m'avait cité dans les 12 coups de midi. En gros, il savait vraiment pas la réponse. Il a dit bon, écoutez, je sais pas, mais comme je l'aime bien, je vais dire Adrien Méniel. Et vraiment, la tête de Jean-Luc Reichmann qui se disait c'est qui? J'espère que c'est pas un mec problématique ou un truc. Vraiment, il avait aucune idée de qui c'était. Il était il a dû voir dans l'oreillette, on lui a dit c'est bon. Adrien Méniel. Vous cherchez là. Vous googlez ça. Le numéro 2, je la connais pas l'émission. Et ouais. Je sais que je suis un fou de Téloche. Donc voilà, je sais pas ce que c'est sur France 5. Alors c'est pas C'est à vous. Échappée belle. Très bonne réponse. Oh, un fou de Téloche là. Bah c'est un fou de Téloche. Alors on va y venir, mais tu verras son émission. C'est des petites escapades. genre petit week-end à Lisbonne. Voilà. Ça, c'est du carreau de carrelage. Ça, c'est les pastéis de nata. Oh, la Camargue sous toutes ses formes. Voilà. Le sel, tout ça. Oui, je pense que. Les bords de Seine, peut-être mais les quais de Seine non, plus exotiques. Ouais, plus exotiques. C'est très, très, très beau. En Normandie, il y a des échappées belles. Mais ça peut être, par exemple, la Seine-et-Marne, la Brie. Voilà. Ah non, pas du tout exotique. Donc, pas du tout. Provins. Échappées belles. Coulommiers. Oui, merci, on y revient enfin. Ça, c'est les France 3 régions qui font ça le week-end. Et puis, on va chez un forgeron. Et puis après, nous voici chez Mathilde, qui a 87 ans. Et qui va nous faire son pot-au-feu. Merci Mathilde. Mathilde, vous êtes chez toi là, Mathilde. Elle a déjà commencé le pot-au-feu avant qu'on arrive. Moi, ce qui me mettait une grande angoisse, c'était les reportages du samedi de TF1 juste après le JT. Reportage. Souvent glaçant. Souvent, il se passait pas grand chose. C'était. Qui maintenant se sont vraiment très orientés généalogie. Ça fait 2-3 ans qu'il y a que de la généalogie et des chasseurs d'héritage. On est sur un thème assez mono. Mono. On reste là et on n'en sort pas. Et en même temps, on est les seuls. Donc pourquoi. Voilà, ils vont à fond quoi. Ouais, ils ont trouvé un créneau quoi. Ah, ils ont trouvé un créneau. Donc oui, Échappée Belle, deuxième. Oh, ça a l'air bien, remarque, ça l'a dit. Ça m'a donné envie. Moi qui suis dans une plénitude dépressive, là, ça peut être tout à fait pour moi ça. Pas taratata. Mais l'autre où il chante. N'oubliez pas, les paroles. Non, pas non. Attends. Nagui est le grand absent de ce top 10. C'est fou. C'est truqué. Vendredi, tout est permis. Non. Non, non. Arthur est l'autre grand absent de ce top 10. Ok. Je peux. Il reste des jeux télé. Il y a. Écoute, je ne crois pas. Okay. Non. Il y a une émission quotidienne très connue. Quotidien. 9e. Ok. J'ai donné un très léger. Il y a un petit. Ouais. Attends. L'heure des pros. Non. Ah. Pas l'heure des pros. Il y a d'autres émissions quotidiennes là encore. Je sais plus trop. Oui, je crois qu'il y en a une de France 5 encore 8e. C'est pas à vous. C'est pas à vous. Le journal de la santé. Pas le journal de la santé. Un petit effort, Jérôme. C'est médiatique. Non, c'est dans l'air. C'est dans l'air. C'est dans l'air qui est l'émission qui passe dans ma salle de sport et qui me déprime tout simplement. Parce que tu vois, t'as pas le son, donc t'as juste les bandeaux titres et tu fais ah non, j'ai pas. T'as pas envie de voir l'état du monde. C'est qui? C'est dans l'air. C'est Yves Calvin. Non, Caroline Roux. Ah oui, d'accord. Qu'on embrasse. Qui est une grande fan de l'émission. Je crois que je confonds avec autre chose. Ce qui est très drôle, c'est qu'en plus ils ont un niveau. C'est que là, c'est vraiment le panel de gens qui s'y connaissent. Quoi, parce que d'habitude, c'est le café du coin. Ouais. C'est l'heure des pros, d'habitude. Mais là, tu vois, ils te font une heure sur la constitution serbe. Avec que des pros. De la constitution serbe. Ouais. Et toi, c'est vrai. C'est vrai. J'avais pas vu ça. Il a raison. C'est vrai que l'article 7, il n'est pas utilisé à tort. Tu saignes un peu du nez pendant, mais tu kiffes. Est-ce qu'il y a des émissions de culture ou de. Le numéro 5 est une émission historique, même, j'ai envie de dire. Encore diffusé. Les marges de l'histoire, non, comment ça s'appelle le truc de. C'est Stéphane Bern ou pas? C'est Stéphane Bern. C'est peut-être plus Stéphane Bern, à mon époque. T'as fait une espèce de glooby. Moi, j'ai pas regardé la télé depuis vraiment longtemps. Les marges de l'histoire. Il n'y a pas un Lopez. Il n'y a pas Lopez. Non, t'as confondu. T'as fait un mix entre la marge du siècle et secret d'histoire. C'est secret d'histoire, voilà. Ou alors les marges de la gloire, il y avait aussi. Oh oui, Laurent Cabrol. Laurent Cabrol, il m'a fait du bien ce nom-là. Il y avait deux. Attends, les marches de la gloire, c'était le truc où c'était un peu des héros inconnus. Oui, et la nuit des héros. Ah voilà, c'est ça. Il y en avait deux. Ah là là, ça me régale. C'est ce que je fais, mon vieux. Je te demande. Ah oui, la nuit des héros, les marches de la gloire. Putain, ça j'adorais. Regardez le sourire qui scie son visage en deux. Je me souviens d'un épisode, je sais plus lequel des deux, où c'était un pilote d'avion, un petit avion. Oui, des reconstitutions. Ouais. Voilà, et en gros, il avait plus de le liquide pour sortir les roues. Le train d'atterrissage. Donc il était dans la merde. Et en gros, il se souvenait que n'importe quel liquide pouvait faire l'affaire. Et du coup, il avait pissé dans le réservoir. C'était le terme débunké n'existait pas à l'époque. Oui. Mais en tout cas, le mec disait bah écoutez, voilà, j'ai fait ce que je me suis forcé, j'ai fait pipi. Il a dit j'ai fait pipi. Je fais pipi. J'ai fait pipi. Ah, il avait 6 ans et demi. Hein. Il était très précoce en termes de. J'ai levé mon t-shirt jusqu'à la poitrine et j'ai fait pipi. J'ai baissé mon pantalon jusqu'à la cheville. Je me suis assis sur le pot. Je me suis secoué comme ça. Et après, j'ai marché avec mon pantalon baissé. Comme un pingouin. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne m'essuyer. Enfin voilà. Non, mais il avait pissé dans le truc. J'ai résumé. C'est ce qu'avait dit Laurent Cabrol. Le magnéto s'arrête, il fait. Et voilà, il a pissé dans le truc. Alors, sujet suivant. Charlemagne. Alors, c'est Secret d'Histoire, l'émission numéro 5 de Stéphane Bern. Eh oui. Le B, comme on l'appelle. Le B. Bah, moi, je l'appelle le B. Et sixième, c'est une émission d'aventure. Émission d'aventure d'M6. Pékin Express. Pékin Express numéro 6. Et ah, voilà, le t'as pas 10. Encore fait, Benjamin, Pékin Express. Non, c'est vrai. Et pourquoi? Bah, parce que je suis pas. J'aime pas trop les gens. J'aime pas l'autre. Sortir chez moi. Ouais, voilà. Non, moi, ça me. Ah ouais, et je trouve les activités un peu nazes à chaque fois. Toujours. Ouais. Ils sont dans des pays de fous, mais quand même, faut mettre un œuf sur une cuillère. Ouais, ouais. Comme une carotte. Ouais, c'est ça. Il y a de la farine dans la bassine, et puis il faut chercher un carré de chocolat. C'est cool, le Taj Mahal à côté. On dirait un truc dans les bronzés où ils ont un style. Accroché avec une fichelle, faut le mettre dans une bouteille. Les jeux de mariage. Mais à côté de décors incroyables, c'est ça qui est. Alors moi j'étais déjà outré. C'est toi qui m'as appris, Florent, que ça c'était pas forcément à Pékin. Déjà, ça s'appelle Pékin Express. C'était le premier. Le 1 était à Pékin. Elle est très connue cette émission, mais c'est quoi le. Moi j'ai jamais vu. C'est un jeu de course. En fait, tu un jeu de piste un peu. C'est la carte au trésor, mais à l'étranger. Et il y a quand même un aspect course. Et un aspect. Mais moi, faut aller d'un point A à point B. Et donc, c'est ça les trucs où, genre, ils doivent arrêter des gens sur la route et ils disent est-ce que vous pouvez nous emmener là-bas et tout, c'est ça? Exactement. Le principe, oui, donc c'est vraiment. Exactement. Oui. Oui, bah, t'es content quand tu tombes sur Émile Louis. Ouais, ouais, c'est ça. Mais malheureusement. Ouais, bon. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a jamais ça. Ouais. Ben, moi, je suis sûr que les monteurs ont une quantité de débordements racistes. C'est bien sûr. Des candidats en disant mais putain, mais pourquoi ils s'arrêtent pas? Oui, attention. Mais il comprend rien là. Oui, attention. Télévision Toujours, quelle émission culte va revenir sur M6 après 12 ans d'absence? Culture Pub. Non. Mais pas 12 ans. Politiquement rock. 12 ans. Vous vous souvenez, non? Non, pas du tout. Politique ou plat. Mais non, vous étonnez pas. C'est génial. Il reprenait des discours sans la voix et il mettait, je sais pas, téléphone ou je sais pas, des. Ouais. Et pour que ça fasse un lip sync plus ou moins. Ouais. Ça. Ouais. C'était un peu naze. C'était la vie privée des animaux avec du rock. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Une émission culte qui s'est arrêtée en 2012. Il y a 12 ans. Télé-réalité? Pas télé-réalité, mais le réel quand même. On va chez des gens. Je vais pas vous dire. Ah. Oh la vache. Ouais. Moi, 2000, attends, 2000. Sur M6. C'était une émission d'M6. Qui était très culte. Non, pas vraiment. Moi, si, j'ai l'impression que ça l'était, mais c'est après chacun. C'est pas Love Story, quoi, tu vois. Ouais, voilà. D&Co? Non, mais on s'approche. On est dans cette ambiance. On va chez des gens. Il y a un problème. C'est pas on a échangé nos mamans. C'est du propre. Oh, wow. Très bonne réponse de Jérôme Commandeur. Tu connais pas, inspiré du programme britannique. How clean is your house? De nana, je crois qu'il y a. Exactement. Ah, ils vont nettoyer. Deux professionnels dans les domiciles. Ils ont vu que ça cartonnait sur TikTok. C'est ça. Ouais. Ah, oui. L'émission envoyait les deux professionnels dans les domiciles, tous plus sales les uns que les autres. Ouais, mais c'était des dingues, un peu mi-diogène, oui, je garde tout. C'est ça. Salle de bain envahie de cafards, reste alimentaire moisi, sol noirci. Oui, des gros porcos, hein, c'était ça. Mi-diogène, mi-crado, juste crado. Rien ne leur résistait avec leur équipe et beaucoup d'huile de coude. Elles rendaient au logement leur lustre perdu, sachant qu'elles étaient aussi. C'était un peu deux persos très bourgeoises, très voilà, c'était ça qui était. Ouais, assez je pense qu'il faut parler aussi, il faut pas que nettoyer, il faut leur parler à ces gens-là. Ouais, c'est voilà, ouais. Oui, oui, parce que sinon tu reviens dans une semaine, quoi. Oui, c'est ça. En tout cas, les castings sont ouverts. Voilà, si sympa. Y a des auditeurs qui veulent nettoyer gratos leur maison. Ah non, moi je suis tellement maniaque. Mais franchement, oui, moi oui, c'est. Bien. Tu peux me manger par terre, quand même. Et d'ailleurs, tu le demandes aux gens, ce qui est très bien sûr. Quand on va chez toi. Mais j'ai souvenir qu'elles avaient des petites tambouilles de. Bah là, vous mélangez un petit peu de vinaigre, un petit peu de mais ce qui est maintenant le truc de TikTok et mais de, oui. Tu vois. Ouais, des recettes de grand-mère, oui. Ouais, des recettes de grand-mère. D'ailleurs, je tiens à dire que souvent les gens disent il faut mélanger le bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc. Il faut surtout pas faire ça parce que ça annule l'effet du bicarbonate de soude. Oh là là, en fait, ça fait de la mousse. Attention à ce que t'as. Non, mais ça fait de la mousse. M'énerve. Donc t'as l'impression de faire donc un truc dis, un peu foufou. Et en fait, non, il faut pas le faire justement. Et maintenant, on va passer la table de chevet au citron. Je supporte pas ces trucs, ça m'énerve. Oui, ça. C'est, oui, moi j'adore, là, malheureusement. Et là, je coupe cette mangue en deux et je nettoie la vitre et ça brille. Mais non, mais ça n'a jamais marché. C'est tout gras, ma vitre. Ah non, est oui, tout d'accord, gras. C'est gras de mangue. Ah non, d'accord. Vous parlez des astuces, ouais, machin. Ouais. Moi, je parle des trucs où il nettoie. Moi, j'adore ça. Surtout, moi, j'ai un peu un truc de. Les astuces naturelles, on les connaîtrait parce que c'est le premier truc qu'aurait trouvé l'homme, tu vois. C'est une mangue nettoyer des vitres, tu vois. Pas d'accord, t'es pas d'accord. C'est un truc d'évolution, tu vois. Des trucs qui peuvent se perdre. Non, mais attends, le capitalisme, il nous fait croire qu'on a besoin d'acheter des produits et du coup on oublie que juste du vinaigre blanc ça fait des miracles tout simplement. Après toi, je rappelle la terre de Sommières qui bien a été sûr. Un banger de cette émission. Est-ce que tu connais la terre de Sommières? Oui, bien eh, sûr, j'en ai entendu parler grâce à vous oui. Mais non, mais ils sont insupportables. C'est comme les oignons. Il y a toujours un truc pour détourner l'oignon, si vous me permettez. Ouais, bien sûr. Pardon. Cette belle image. D'ailleurs, on détourne l'oignon jusqu'à 22h. On va écouter Gims. Alors, l'oignon, attention. Parce que l'oignon, moi, ma fille. Non, non. Eh ben, non, mais c'est assez fou. Je peux partir. Hein. Et je comprendrai. Parce que je suis dans ta. Tu le sais, je suis dans ta team. Tu lui as mis un oignon coupé en deux sous son lit, c'est ça? Écoute, elle tousse moins. C'est quoi? Quand tu fais. Ah, oui. Quand, ma fille tousse quand elle est malade. Et l'oignon coupé en deux sous son lit, je te jure qu'elle tousse moins. Je te le dis, Adrien. Ça pue, par contre. Ça sent la tartiflette dans sa chambre. Je n'approche plus ma fille, pour des raisons évidentes. Mais non, je te jure, c'est assez fou. Je me permets pas de croire. Je comprends. Et comment t'en vouloir? Et comment t'en vouloir? Moi, j'avais quand même lu une astuce qui disait que quand tu étais enrhumé, il fallait couper un oignon en deux et t'en mettre un dans une moitié dans chaque chaussette et d'aller dormir. Ah ouais. Wow. C'est n'importe quoi. Oui, mais bien sûr que c'est n'importe quoi, mais c'est pas plus n'importe quoi que de foutre un oignon sous son lit. C'est un peu plus n'importe quoi. Oui, c'est comme les dentifrices au fluor, tu te brosses les dents donc le fluor il va pas. Oui, je te veux foutre avec ça. D'ailleurs, il paraît que maintenant le fluor c'est ils disent que c'est mauvais pour les dents quoi. Maintenant, j'avais vu petits, ça ouais. Qui disait c'est du dentifrice sans fluor et tout parce que c'est de... on nous a bassiné avec le fluor. On nous a bassiné, waouh! Wow. L'heure des pros, ouais, ça y est. Non, mais je me souviens qu'avant c'était vraiment l'argument de vente et maintenant je crois que c'est un peu controversé quoi. Donc, quand j'étais gamin, on se brossait les dents avec du sable. Je suis pas mort! La terre de sommière! Je suis pas mort, putain! La terre de sommière, mais sans vinaigre blanc. Oui, ma mère me giflait et alors, regardez, j'ai la réussite. On parle d'émissions télé et regardez, hop là, petit virage. Oh là là. Jérôme, tu viens avec. Eh ben oui, le monde magique. Petit virage chez Turbo, de Chapat. Ouais, petit virage avec Chapat accroché là. Donc c'est un sketch show que tu fais, c'est 8 épisodes, je le dis parce que c'est trop bien de faire plein d'épisodes. Ouais. Ça existe peu le sketch show, j'ai l'impression que c'est le truc que tout le monde rêve de faire. Nous, on en a écrit quelques-uns. C'était un truc que tu voulais faire depuis longtemps? Oui, depuis longtemps, et c'est marrant ce que tu dis parce que je voulais aussi le petit côté un peu rendez-vous de notre enfance. Parce que maintenant, évidemment, avec les plateformes, il n'y a plus de rendez-vous, et c'est que du replay. Et là, j'aimais bien cette idée de me dire, bah tiens, pendant les fêtes, tous les mercredis de 21 à 22, il y a deux numéros. Et je trouvais que c'était aussi une petite forme d'hommage à cette télé-là d'il y a 20 ou 30 ans aussi, où les artistes, alors à l'époque c'était plus les animateurs télé qui allaient dans les émissions des uns et des autres, mais faisaient des petits numéros de chansons de variété et tout. Bah là, c'est un peu cette idée-là, mais avec des parodies. C'est ça. Et avec des guests aussi, t'as ramené plein de gens pour venir faire des trucs. Ah, j'ai eu la chance de le voir hier, moi. Ouais, je l'ai vu aussi. Les trois premiers épisodes. Ouais. Et ouais, c'est dingue. Il y a tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui n'y est pas. Il y a un petit côté Saturday Night Live qui fait plaisir. Ah ouais. Mine de rien, dans ce truc-là. C'est ah ouais, moi, c'est des comparaison n'est pas raison. Oh non, bordel de merde. Laisse-moi te le dire. Et encore, je le dis, il y a Delphine Baril dedans. Delphine Baril, c'est ça plaît. Au-dessus de nous, ça. C'est je l'adore. Mais c'est ça que je parle des guests, mais il y a aussi plein d'acteurs, peut-être un peu moins connus. Il y a Gillian Walker aussi, que moi j'ai eu la chance de dire par le passé, que j'adore. Il y a plein d'acteurs comme ça et d'actrices, et ça fait plaisir de voir tous ces gens. Oui, oui, il y a des gens connus et il y a Benjamin. Oui, voilà. non, mais no offense. Je sais où je suis. Je suis bien à ma place. non, mais il n'y a pas de problème. Et j'y suis bien. Voilà. J'y suis bien. Non, mais on fait un numéro tous les deux. On n'arrêtait pas de se marrer. On fait une cuisine des mousquetaires. Spécial Noël 90. Ouais. Et on s'en souvient pas parce qu'elle n'était pas que avec Micheline, Maïté, la dame avec les cheveux blancs qui était à côté d'elle. Elle invitait des chefs pour les fêtes. Et oui, voilà. Fais un chef qui vient avec sa petite recette. Voilà. On dit pas plus. Voilà. Mais c'est ça que j'aime aussi. Il y a aussi des références à des anciennes émissions. Justement, je me posais la question, est-ce qu'il y a des moments de télé, pas forcément des émissions, mais ça peut être aussi des émissions, des moments de télé qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune? Moi, je sais par exemple, les enfants de la télé, c'est un espèce de rendez-vous parce que j'ai l'impression de voir des. Moi, le plus, c'est l'heure à l'appel, quoi. Ah vraiment, ouais, je sais pas, ça marquait le gros téléphone. Ouais. Et après, il y a eu le big deal, évidemment, mais. C'est le premier jeu de la gaffe, je crois. L'heure à l'appel, ouais. Qui a pas duré. Pas très longtemps, mais ça m'a marqué, quoi. Je trouvais ça fou, les costumes fluo. Elle se tirait les cheveux comme ça pour faire le singe. Enfin, je trouvais ça assez exceptionnel. Ouais. C'était quoi le truc de la gaffe que tu m'avais envoyé là, qui était incroyable? Drôle de jeu. Des histoires drôles. Drôle de jeu. C'était le samedi, c'était dingue. Ils faisaient les nains, ils faisaient le nain et tout. Ils faisaient des histoires. Ils racontaient les histoires. C'était là où ils racontaient les histoires drôles, non? Oui. Entre autres. Et il y a, je vous invite à regarder une archive hilarante. Celui avec Eric Ramsey. Un épisode où il y a Eric Ramsey qui se demande ce qui branle là. Au tout début de leur carrière. Et à côté d'eux, il y a les vamps. Le gars de Perdu de Vue, Jacques Pradel. Génial. Donc c'est tout est fin. Il est sur YouTube. Oh, c'est génial. Sur YouTube. C'est, et alors, vraiment, en termes de oui, liberté, c'est on va dire, dans les mots. C'est la France de l'époque. Voilà. Wow. Je vous dis ça. Il y a de l'accent, il y a du. Wow. Plus d'accent. Il y a un Vincent Lagaffe qui, quand il voit Ramzy, dit ah bah celle-là, c'est pour toi. Alors. Je citais, Adrien. J'étais eu peur. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais il y a l'excellent Étienne Carbonnier qui fait les canapes avec les années. Et c'est trop bien. Et Canap 95, ouais. C'est, oui, c'est. Mais c'est marrant, on se dit, on était tous contaminés, il y avait un nuage, quoi. C'est pas possible. Comment on a pu vivre là-dedans et pas se poser de questions. Et pas se poser de questions. Non, mais c'est un truc. Et je vous invite à regarder ça sur YouTube, c'est extraordinaire. Les histoires drôles des grosses têtes, c'était quand même le prime de TF1 qui faisait les plus grosses audiences. Ça montait à 10 à 12 millions de gens. Et même quand ils présentent à un moment des invités, à un moment je vais pas dire qui c'est, mais la Bouvard démarre en disant et elle est là, la bouche ouverte sur les aires d'autoroute à attendre le chaland. Et je peux pas donner le nom, mais. Et on était Sim, là en famille. Et la Sim. En famille et oui, ça riait dans la télé. Là, pute. Là, pute. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes, quoi. Oh, l'enfer. Ardisson aussi. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais moi, c'est marrant, c'était un peu après, moi, mes souvenirs de genre Star à domicile. Vous regardiez pas Star à domicile? Ça, j'adorais. Ça me dit quelque chose. Star à domicile, c'était en gros, tu amenais un fan. Oui, le concept est pas compliqué. je crois que j'ai compris l'idée. Tu vois, bon appétit bien sûr, tu l'as l'émission, voilà. Non, le jour du Seigneur, tu l'as aussi. Mais moi, et en fait, c'est ce qui était drôle dans Star à domicile, pareil, je crois qu'ils sont sur YouTube, j'en avais rematé quelques-uns, jamais la star n'est à l'aise, et ça c'est vraiment trop bien. À chaque fois ils font, et eh ben voilà, je suis dans ton salon, et c'est très bizarre, ça va jamais très loin. Quoi. Et puis tu dois avoir peur que les gens ne te reconnaissent pas. Oui. Souvent ils prenaient du très gros fan hein, quand même. T'avais du poster partout. J'espère qu'ils bossaient quand même un peu. Prenaient au hasard deux noms. Allez, tu vas chez lui. Il y avait Fan 2 aussi. Ah oui. Et j'avais une nana de Coulommiers qui s'appelle Dorothée qui avait rencontré l'âme. Oh. Et je me souviens, j'étais assez jaloux. C'était à l'époque l'âme qui avait repris la chanson de Michel Berger et tout. Évidemment. Et ouais, j'avoue, je me disais putain, la chance, elle a rencontré l'âme et tout. Et c'était un peu devenu un peu la star de la, tu sais, du collège. Bien sûr. Putain, là, quelle chance elle a. Ouais, c'était fou. Moi, comme souvenir, c'est pardon, très connu, mais le Gainsbourg et le billet de banque. Ah oui. Ça, c'est quand même un truc. Et d'ailleurs, je me demande si on n'entend pas des photographes. Tellement le moment est fou, je pense qu'il y a un photographe de presse qui mitraille tellement l'image est folle. Ouais. Et tout le monde a tendance à oublier, c'était deux journalistes, je ne sais plus quel est le nom du premier. Et le deuxième, c'est Gilbert Charbonnier, je ne sais pas si tu vois qui c'est ce gars-là. Bref, qui n'est pas très connu, mais c'est son moment et tout le monde ne retient que l'autre gars et pas du tout. Ils étaient deux présentateurs à ce moment-là. Et à chaque fois, il est toujours coupé. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était dans Surprise, Surprise. L'émission de prank de caméra cachée et ils avaient fait un prank à Plastic Bertrand et bon faut avoir la ref hein. On rentre dans un petit moment méta on a perdu nos vingtenaires dès Dominique Chapin je te rassure bien sûr. Moi c'est la cruauté du truc qui m'avait quand j'étais gosse déjà m'avait marqué, c'était que en gros il était avec un pote à lui qui était donc complice et ils arrivaient dans je sais plus quel pays en Asie et en gros ils se posaient à une terrasse de café et en gros il y avait de la musique qui passait et à un moment ça passe Ça plane pour moi et là tous les gens ils font waouh, donc tout le monde est de mèche évidemment et tous les gens, les locaux se mettent à danser et tout genre comme si c'était fan de la chanson. Et il fait oh, bah, c'est fou et tout et il lui dit ah ouais mais ici ils sont fans de cette chanson ici dans ce pays et tout et il fait ah ouais mais je savais pas et tout et puis à la fin ils lui disent bah non c'est faux. C'est horrible. Pendant tout le truc ils font durer, ils vont dans d'autres lieux, il y a encore les gens ils le reconnaissent et tout, ah ça plane pour on moi on et m'a tout. Fait un truc similaire dans la vraie vie. Je commençais je le salue hein, il s'appelle Luc Sanzoni qui m'a fait cette blague qui est pas très drôle. En gros, mais je le salue quand même. T'es très name drop toi, genre. Ah non non, t'aimes bien. Mais attends, là quand même. C'était les débuts de Nova et on était à Avignon pour une pièce de théâtre et on va bouffer au resto et ce fameux Luc vient moi, il me fait "Tiens, il y a deux personnes qui t'ont reconnu et qui aimeraient bien faire une photo avec toi." Et c'était deux meufs, tu vois, qui devaient avoir je sais pas 25 ans, ce qui est pas du tout ma tranche d'âge et c'est souvent des mecs. Du coup, je me dis "Bon bah c'est fou quoi. Ouais. Ça m'a fait trop plaisir. C'était genre limite, je crois, une des premières fois qu'on me demandait une photo quoi. Donc moi j'y vais de gaieté de cœur, je fais la photo, et évidemment je me rassois et il me dit ah, c'est faux, c'est moi qui leur ai demandé de faire la photo. Ah ok. C'est moins cruel que ce que je. Je pensais que c'était genre ils t'envoyaient et qu'en fait elles avaient rien, elles étaient pas au courant du tout. Ah si, si, elles voulaient faire une photo. Elles m'ont dit ah, on est trop fans. Et. Enfin, tu vois, il leur a demandé de jouer les fans. Ça, ah, ok. Mais la version dans ma tête était plus cruelle. Genre, t'y allais en disant, vous voulez faire une photo. Et disent, non, pas du tout. Non, heureusement. Okay, mais d'accord. Et quand même. Mais c'est cruel quand même. C'est pas sympa. Mais quand tu parles de surprise, il y a un truc qui me. Je sais pas, qui m'interroge. Parce que, évidemment, on connaît tous maintenant un peu les coulisses des tournages. Je me dis, mais comment une émission qui fait 10 millions de gens, ce qui est quand même une broutille. Avec des complices qui sont toujours. Enfin, les comédiens de l'émission qui sont toujours les mêmes. Sont jamais reconnus, parce que pour moi ils étaient presque aussi connus que que les guests. Tu crois qu'ils changeaient pas quand même les comédiens? Bah je me souviens d'un que j'adorais qui s'appelait Jean-Pierre Alary et qui était là tout le temps temps, qui était mais hyper doué. Il pouvait faire le flic, le serveur, c'était des comédiens incroyables. Et tu te dis bon, et à un moment comment c'est possible que ça ait pu durer comme ça au moins 4 ans quoi. Ça a duré aussi longtemps que ça? Ah oui. Mais cela dit, regarde Greg Guillotin, bon, c'est de plus en plus grillé, hein, mais il y a quand même des trucs qui marchent encore. C'est grillé, alors, après, François Damien, s'il l'avait fait, je crois, en Suisse pour être moins grillé ou en Corse. Et puis, il se grime vraiment de plus en plus. Il y a des nouvelles qui vont sortir. Oh là là, on est exclus. C'est génial ça. Est-ce que tu tournes un film en ce moment avec lui, ton prochain film? T'es en plein dedans là, ça se passe bien? Il s'appelle T'as pas changé. Et c'est avec François Damiens, Laurent Lafitte et Vanessa Paradis, et ça sort fin d'année 25. Eh ben, mais quel kiff. C'est une véritable casquette, il est sur tous les fronts. Je peux pas dire mieux. Laurent Lafitte, alors que méconnaissable dans le sketch show de Jérôme, je vous invite à essayer de voir où il est. Non, c'est vraiment fou. Il m'a fallu un petit 5 minutes. Mais en fait, c'était pas voulu. C'est que moi, forcément, je prenais comme un fait acquis pour les gens que c'est moi grimé. Donc, je me dis, ils le savent. Ouais. Et tous les personnages, normalement, ils ont des traits un peu communs. Tous les invités, ont des traits un peu communs où on essaye de les décaler un petit peu. Oui, est-ce que vous parodiez beaucoup? Vous jouez des. C'est pour ça que je parlais du SNL aussi. Vous imitez des gens. Et là, Laurent, effectivement, là, on lui a fait vraiment une tête de silicone. Donc, il est méconnaissable. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut. C'est hilarant. C'est très marrant. Est-ce que vous savez, parce que je finirai là sur la télé comme ça, mais est-ce que vous savez quel animateur a eu droit à son propre timbre? Un animateur récent, hein, je vous parle pas de Deluxe ou de. Vivant. Nagui. C'est pas le Nag. C'est une femme? Ce n'est pas une femme. Parce que je savais que. Comment elle s'appelle celle qui faisait C'est mon choix? Oui, qui était la Marianne. Marianne, bien sûr. Ça, c'est terrible parce que. c'est mort avec elle. Evelyne Thomas. Ouais, c'est terrible parce que c'est mort avec elle. C'est-à-dire qu'elle est devenue Marianne. Et après, on dit bon, allez, on arrête de demander à des femmes connues de faire Marianne. T'as raison. Oui, c'est la dernière. Ça n'existe plus. C'est la dernière. Mais ça a marqué les gens. Il y avait ça. Il y a l'autre truc qui a marqué beaucoup les gens. C'est Corinne Touzet, troisième femme la plus belle du monde. Vous vous souvenez pas de ce truc? Il avait fait le top 50. Mais c'était TF1. C'est là où les gens avaient dit oh là là, TF1 se fout de notre gueule. C'est truqué. Elle était devant Angelina Jolie et plein de gens. Et c'était TF1 qui avait fait le top des femmes les plus belles du monde. Bah, de Drucker, le timbre. Alors, écoute, peut-être, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Je vérifie quand même, mais ce n'est pas Michel Drucker. Il est toujours vivant? Toujours vivant, ouais. De la housse? Pas de la housse. Non, Michel Drucker n'a pas eu de timbre. C'est un mec qui est où vraiment il a fait beaucoup d'émissions et donc ça paraît logique, où il a fait vraiment deux trucs. Alors c'est pas par rapport au fait qu'il a fait beaucoup d'émissions que c'est logique. C'est pas Stéphane Bern. Non, c'est Est-ce qu'il a plus de 60 ans? Je ne pense pas. Je vérifie. Il a 55 ans, donc il n'a pas plus de 60 ans. Il a beaucoup aidé sur la France. Jean-Luc Reichmann? Pas Jean-Luc Reichmann. Est-ce qu'il a beaucoup aidé pour la France? Alors justement, tu poses une très bonne question. Est-ce qu'il a fait chier la France? En fait, je vais répondre à ta question et ça va donner un énorme indice. Je ne parle pas d'un timbre français. Oh. Alors attends. Frédéric Lopez? Alors pas Frédéric Lopez. Oh là là. Alors attends, est-ce que trouver la nationalité du timbre nous aiderait? Bien sûr. Oui. Belge? Pas belge. Suisse? Pas suisse. Francophone, pays francophone? Pas francophone, mais pensez à nous. Et du coup, c'est quelqu'un qui a la double nationalité? Italien? J'imagine. Pas italien. Oui, le petit. Ah non, ça y est, je l'ai. Oui, bien sûr que je l'ai. Bien sûr. Ça va, fils? Ça va, la famille? Ça va, le papa? La maman? Ça va tout le monde, c'est bien. Ce qui est La vidéo que tu avais faite pour 50 Minutes Inside. Ah, j'embrasse Malik parce que c'est vraiment son idée. À chaque fois, je le dis, c'est vraiment son idée. C'est tellement drôle. Et la rencontre entre vous deux, ouais. Quand il y a un peu dans le bêtisier ou je sais pas quoi, et qui te voit, et vous êtes habillé pareil et la même voix. Tu fais waouh. Que tu refais dans le sketch où tu fais un petit Star j'en fais deux. C'est l'animateur de la Star School. Je vous laisse imaginer l'émission. Et il y en a une autre, c'est Chialade pas très secrète. une surprise, une chialade, l'addition. Mais surtout qu'en plus, moi j'ai eu la chance que je connais Xavier Mingon, donc il m'avait montré quelques versions longues. C'est qu'il y a, vous avez beaucoup, les sketchs sont plus longs presque à la base que dans l'émission, quoi. Bon, il m'a montré des rushs et des trucs. Vous avez beaucoup d'impro, même dans le générique de fin. Je sais pas si vous garderez ça dans la version finale. Oui, on a gardé des bêtisiers. Voilà, c'est ça. Mais c'est des bêtisiers où il y a aussi beaucoup de scènes coupées entre guillemets. T'es que avec des potes. T'es que avec des potes qui adorent ça, qui adorent se grimer, qui adorent. Moi, Benjamin, je le regarde. J'ai envie de me péter de rire parce qu'il a une mèche toute grasse collée sur le front une chemise qui sort de l'affaire Villemain. Audrey Lamy en Isabelle Balkany, ça n'en finit pas quoi. On voit que tout le monde s'amuse quoi. Ouais. Et donc forcément, il y a des kilomètres de bêtisiers. Et à un moment, même si on était tenté d'en rajouter, j'ai dit arrêtons, parce que je voulais surtout pas de l'entre-soi. C'est-à-dire souvent on a un truc qu'on a vécu ou vu en tant que spectateur, c'est-à-dire ils se marrent mais ils sont entre eux, moi je suis un peu exclu. Donc j'ai mis un peu de bêtisiers, mais pas trop. Mais du coup, moi, voilà, je me suis pris un bon 20 minutes de Nikos qui m'a régalé. C'est un fils. C'est que la famille. Quand tu le vois, c'est la famille. C'est le père. Papa. Padre. C'est le padre. Ouais, ça va, il va bien. Maman. Là. Mais dans les émissions, moi, j'aime bien parce que si, il aime bien commenter l'émotion. Il fait, c'est très très beau. C'est très très beau les larmes qui coulent là, sur les joues. De Béatrice qui est très émue, très très émue. Il commande tout le truc. Oui, mais à sa décharge, les émissions sont tellement longues. Mais c'est ça, meublé quoi. T'as des 4 heures de direct et. il faudrait retrouver cette image. Je crois que c'est il y a 2-3 ans, mais je me demande si c'est pas ça qui m'a donné envie de les faire mettre là. C'est tout con, c'est rien du tout. Et ça peut arriver n'importe quand. Il y a un gamin, donc un candidat qui, je sais plus, il doit faire SOS d'un derrière en détresse encore une fois. Et il part dans les cintres, il part en l'air avec un harnais. Et c'est rien du tout, il faut même. C'est imperceptible, mais juste, il est en costard, il a des chaussures vernies, et il perd sa grolle à 3 mètres. De hauteur, et tu vois une petite grolle qui tombe, et tu vois le pied qui se bat comme ça dans les airs, et voilà. Bon, c'est pas plus que ça, mais. Et là, tu t'es dit, allez, faut faire quelque chose. Et là... Allez, hop, c'est bon. C'est parti. Allez, entrez. Selon une étude, que préfèrent faire 8 enfants sur 10 à l'école? Bon. C'est pas des choses qu'ils préfèrent faire à l'école plutôt qu'à la maison. C'est un truc qu'ils font. Le truc de toutes les activités qu'ils peuvent faire à l'école, c'est leur préféré. Non, alors c'est non. Pas ça. Okay, non, pardon, pardon. Ah, c'est pour occuper le temps? C'est pas pour occuper le temps. En fait, c'est un truc qu'ils préfèrent justement plutôt ne pas faire à l'école. Qu'est-ce qu'ils ne préfèrent pas ne pas faire? Ça me paraît très clair. Il y a trop de négations là. Non, c'est un truc qu'ils ne veulent pas. 8 enfants sur 10 ne veulent pas faire à l'école. Ils préfèrent le faire chez eux. Les devoirs. Pas les devoirs. Manger. Pas manger. Pisser, chier. Ah oui, oui. Aller aux commissions. Aller ça, chier. C'est pas que les enfants à l'école. Mais 8 sur 10 quand même. Ouais, mais beaucoup d'adultes disent moi je peux chier que chez moi et tout. Il y en a beaucoup aussi. Hein. Mais tu fais comment quand t'es 2 semaines à Djerba? Bah, ça, moi je fais pas partie de cette team. Ah, moi je préfère chier chez les autres. Donc vous ne verrez jamais chier chez moi. C'est fou, nul, ça. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit je ne chie jamais chez les autres. Mais à un moment, bon. Non, mais oui. Mais passé à un certain âge, de toute façon, t'as plus le choix. Moi personnellement. On revient podcast, au bout d'un moment on s'en fout. Au bout d'un moment, faut lâcher prise. Nécessité fait loi. L'usage fait la norme. Voilà. Comme on dit chez Larousse. C'est ça. C'est le constat d'une étude ACTI Arpic Harris. Une étude, non, c'était. Ils ont pris combien pour... Les et résultats, ils ont dit oui, et donc. Et avec nos impôts, hein. Non mais imagine. Vous vous rendez compte, mec. J'imagine vraiment un savant, tu sais, à 4h du mat avec juste une lumière. Putain, mais là, je tiens un truc là. 8 enfants, ils préfèrent chier à l'école. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, dors, merde. Dors, enfin, on s'en fout. Et ben justement, mon pauvre Adrien, c'est justement le rapport explique que c'est la crainte des moqueries, le manque d'hygiène et d'intimité qui seraient aussi des freins pour les enfants. Et du coup, justement, ça pousse un petit peu au harcèlement scolaire. Je veux dire, se faire appeler le chieur tout le reste de l'année, quoi. Ouais. Oui, le crotteur. Le crotteur fou. Hey, le crotteur. Ah, il a crotté. Ouais, ok, je comprends. Mais du coup, c'est peut-être ça qui. Non, mais du coup, c'est peut-être ça. Mais ça a dû arriver plein de fois. Ah bah. Je pense que j'ai déjà dû appeler quelqu'un le crotteur. Bien sûr. Bah, je savais qu'on allait dévier vers le monde adulte très vite. Et que coup, le mot crotteur allait prendre un tout autre sens. Mais pas à l'école, hein. Au boulot, j'ai dû appeler quelqu'un le crotteur. Je vous invite à aller dans les toilettes de la gare Saint-Lazare un vendredi soir de week-end. Pour pallier à ces problèmes, des solutions existent. La ville de Brame, dans l'Aude, a ainsi réorganisé ses toilettes scolaires. Plutôt que de les séparer par genre, elles ont été divisées par tranche d'âge pour réduire les tensions. Par quantité de crottes. Ça, c'est pour les gros crotteurs. C'est les toilettes pour les gros crotteurs. C'est ce que j'allais dire. Quel intérêt. Moi, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Réunie par quoi? Par tranche d'âge. Qu'est-ce que ça change? Oui, voilà. Parce que c'est souvent les grands qui se moquent des petits, peut-être. Ouais. Ah. Moi, j'ai une théorie toute simple. Oui, les enfants trouveront toujours une façon d'harceler. Oui. Quoi qu'il arrive. T'as deux stylos rouges. Voilà, tu peux faire harceler. L'enfant est mauvais. Et en plus, tu dis, du coup, comme c'est classé par tranche d'âge, les grands qui veulent se moquer des petits, ils ont juste à se mettre devant les chiottes des petits. Ils savent qu'il y a que des petits devant. Ouais. Et puis là, ils déroulent quoi. Oh le chieur. Allez hop, un chieur, un crotteur, un deuxième crotteur, une crotteuse. Oh, plus rare. Plus la pisse, plus la pisse. Moi, je fais ça chez Total. Moi. Je vais devant les portes et. Oh le chieur. Pour une petite demi-heure à la pause d'elle. Et les urinoirs ont été supprimés également. Il n'y a que des cabines à porte pleine pour que les enfants aient plus d'intimité. Ça, je trouve ça pas mal, moi. Vous aussi, vous vous douchez chez Total? Oui, tu te dis. Moi j'aime bien quand j'ai 2-3 heures de route, je me fais une pause à 1h30, je fais une petite douche. Tu prends des petites tongs quand même en plastique, j'imagine. Moi, même avec un flingue sur la tempe. Je garde ma crasse. Non, mais c'est pour les routiers, j'imagine. Bah, bien sûr. Un routier qui tombe sur, genre, vraiment un gars lambda, un mec en vacances, la crise de panique qu'il doit faire, genre, bon, bah, un malade, tout simplement un malade. Toi, sur une arrêt, sur un petit péage, c'est quoi ton petit plaisir? À manger, à boire un petit chocolat chaud, petit café. Ouais, c'est vrai. C'est quoi tes petites. Plus petit, on était très la soupe Roaco. Les sauts des daron nous arrêtait, ouais. Mais tu es Benjamin Button, par contre. Parce que si c'est petit, tu bois. Mais on adorait avec mon frère les soupes à la tomate chaude, quoi, atroce, oui, quoi. Ouais. Et non, c'était, tu sais, soit tu prends ton café, soit le truc tout en bas que personne ne prend. Bien sûr, c'est le jus. C'est la soupe, le jus. Ouais, quoi, le jus de tomate. Ça, c'est un peu un souvenir, mais je le fais plus. Hein, bah, oui, bien sûr. Mais voilà, ça, j'aimais bien. Adrien, t'as une petite routine, une péage routine, j'ai envie de lancer. Non, pas rien de dingue, un café, quoi. Un café, une pisse. Ouais, un café. Et aussi, t'as ton émission sur France 5. C'est ça, tu reçois des invités, un café, une pisse. Ils choisissent. C'est vrai que c'est une pisse. T'as tiré la carte pisse. Désolé, Vincent Lindon, tu dois pisser avec moi. J'adore les aires d'autoroute. Moi aussi. Alors, par contre. Ouais. Pardon, la partie commerciale. Ma phrase peut prêter à confusion. Là, d'un coup, je regrette. On se rappelle de Bouvard. Oui, c'est ça. Non, mais. Oui, toi, t'aimais bien. T'aimes bien. Oh. Ah mais tu es plus, tu vas vers le côté des, tu sais quand il y a des trucs très région, tu sais les petits gâteaux régionaux, les calissons, ça devient même trop région. Oh mais il y a tout, les gigas pour tout le monde. C'est-à-dire celle où tu commences à avoir un pôle, un fleuve, c'est trop. Et quand il y a un pont. Bravo. Ça c'est notre France. Merci la France pour ça. Mais le pont, je peux me tuer pour ce pont. La dernière fois, quand je me suis arrêté sur une aire... tu te sens vivant. C'est ça. La dernière fois, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute et vraiment, j'ai dit, on va voir le pont. Et juste, j'y suis allé, j'ai fait, voilà, je l'ai même pas traversé. Ouais. Juste, je suis rentré dedans, j'ai fait, je demande pas plus, je suis redescendu. Ouais, ce tube en plastique. Ah là là, j'adore. Il y a un côté entre l'urbex et une oasis, quoi. Un peu, tu vois. Quand tu traversé du vide et puis là, il y a un peu la civilisation. Il y a une autoroute quand tu vas vers les Vosges, tu passes vers Troyes, etc. Et c'est un pont où il y a une un vitrail, je sais pas comment dire, un peu de soleil ou je sais pas quoi. Ah, exceptionnel. Ouais. Je me suis carrément pris en photo, je l'ai mis sur Instagram. de fierté. Il est beau, il est magnifique. Et moi, je suis un peu contre l'arrivée des fast-food dans les péages. Pour moi, les McDo, alors, les Burger King, mais je trouve que ça gâche. Pour moi, non, mais, comme tu dis. Et c'est pas rien venant de toi. Et Dieu sait que j'adore ça. Oui. Mais je sais pas, je trouve que ça. Non, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Oui, je suis flunch. Flunch, t'es comme moi. Flunch, ok. C'est ça, moi, c'est ça. Parce que je suis un mec qui flunch. C'est aussi ça. Ah, moi, même pas. Moi, je trouve que ça devrait être juste les trucs, les restos qui sont à même la boutique, quoi. Ce qui a un peu disparu, les campaniles. Ah, ouais. Étoiles vertes. C'est marrant, j'ai toujours passé un peu à côté de ça. Des courtes pailles, des campaniles. Ouais, j'ai toujours passé un peu à côté. C'est Jeanne Moreau qui était fan des frites. De ce campanile. On l'apprend, ça a l'air totalement faux. C'est totalement faux. C'est totalement vrai. C'est un truc qui avait traîné chez Ruki à l'époque sur Europe 1. Et quelqu'un avait dit ça pour déconner. Et c'était un moment de radio assez chouette. Et il avait dit on va l'appeler. Donc tout le monde était autour de la table. Non, mais attends. On va pas appeler Jeanne pour ça. Quelqu'un avait son numéro. Bonsoir. Elle est arrivée. Et Ruki lui dit, est-ce que c'est vrai que vous aimez les frites chez Campanile? Totalement. J'en suis folle. Ouais, génial. C'est un moment de radio génial. Ah, ça m'a. J'ai adoré. Ça m'a, moi, brisé le cœur une fois les aires d'autoroute, enfin, là où il y a aussi les boutiques, je voulais dire. Sinon, j'ai pas eu de rupture amoureuse. Avec une dame qui travaille dans son camtar. Et entre Paris et Coulommiers, il y a une aire d'autoroute. L'air de la Couline ? Non, c'est pas ça. Non, c'est Coutevroult. Ah oui, d'accord. Comme ça. Enfin, voilà, je vous donne les petits tips. Non, mais je voulais savoir. Attends, on n'en parle pas trop parce qu'après, ça va être rempli de monde. Rempli de touristes. Donc, ça reste un petit peu le underground. Ma reine habite à Nogent et donc elle venait me voir à Coulommiers. Et une fois, je m'arrête sur cette aire d'autoroute et je vois tous les cadeaux qu'elle m'a ramenés dans l'aire d'autoroute. Donc dur. Oui, why not? Mais bon, là je me suis dit bon, effectivement, elle a dû être sur la route et dire hey, merde, j'ai rien pour lui. On est sur quelque chose de dernière minute quoi. Ouais, voilà. Des petits beurres spécial 77. Moi, je pardonne pas ça moi. Moi qui suis très à cheval sur les cadeaux. Ouais. Moi ce que j'aime dans ces aires d'autoroute, c'est genre 5 magazines de cul enroulés dans du plastique. Ah oui. Il déstocke des magazines, dont des magazines de cul, et j'imagine là qu'il fait oh putain, 5 d'un coup. Oh là là, je suis refait pour les 6 prochains mois. Peut-être qu'il y a vraiment des énormes. Ils sont pas au courant d'internet. Oui, c'est ça. Donald Trump a lancé un produit qu'il a promis. Ouais, un sacré gars celui-là. Alors, encore celui-là, lui, il défrait la chronique, encore, j'imagine. Il va faire des sacrées dingueries, je pense, si tu veux mon avis. A lancé un produit qu'il a promu récemment via une photo de lui avec la femme de Joe Biden lors de la réouverture de Notre-Dame, à votre avis. Attends, peux-tu reprononcer cette phrase? Non, parce que je suis Scatman, donc je vais trop vite. Donald Trump a lancé un produit qu'il a promu récemment via une photo de lui sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas des t-shirts, une photo avec la femme de Joe Biden. Jill. Lors de la réouverture de Notre-Dame, à votre avis, quel était ce produit? Un antiride. Pas un antiride. Bon, attends, c'est Donald. C'est un truc pour la Maison Blanche, du coup. Pas du tout pour la Maison Blanche. C'est vraiment un produit Du fond de teint qu'on pourrait lancer. On convendrait peu. Enfin, que moi, c'est en tout cas, des chaussures. Pas des chaussures. Est-ce que c'est un lien avec l'église? Pas du tout. Mais du coup, c'est une montre. Parce qu'en fait, je vais vous dire la photo. La photo, c'est la femme de Joe Biden qui fait un grand sourire à Donald Trump. Du dentifrice? Pas du dentifrice. Un truc pour. Est-ce que c'est un peu un truc pour être séduisant, machin? Bien sûr. C'est un truc. Est-ce que lui le lance pour faire une saloperie ou c'est premier degré? C'est un peu saloperie, en même temps c'est pour faire la promotion déjà, truc quoi. Est-ce qu'on peut juste parler du fait un président qui lance un produit déjà? C'est fou déjà. Il est pas président encore. Est-ce qu'il a pas le droit avant que ce soit? En vrai même il a le droit peut-être après. Tu mais t'as raison quoi. T'as raison, il est président élu. Il est président. Il y a un côté c'est bizarre de dire je lance un produit, mais après techniquement j'imagine qu'il est c'est pas interdit mais. Ouais. Parce qu'il y a plein T'as pas envie d'acheter les pâtes au gaz de Nicolas Sarkozy qui lance là en... Non, mais il y a eu le... Alors, c'était pas la boutique de Macron, mais il y a eu la boutique de merch de ah, bon, non, de l'Elysée, mais même il y a des parties... Ou de En Marche. Ah oui, c'était dans Plutôt Caustique, le podcast de Norma et Clément, où il disait qu'à l'époque où il bossait à Topito, ils avaient voulu acheter justement tous les produits dérivés politiques et que le seul qu'ils avaient reçu c'était une tente Front National. Et un truc, un vrai produit officiel, et t'as vraiment la flamme. Pas de jeu de mots, hein. Voilà, non, mais t'as vraiment la flamme bleu-blanc-rouge à l'extérieur de la tente et tout, quoi. Qui met toujours une ambiance au camping. Voilà, c'est ce qu'il disait. Il disait, faut vraiment pas clivante du tout. Non. Et donc, Laurent Ronac peut arriver Urbain, et dire, s'il vous plaît. Non, Urbain Hellfest là, avec cette petite tente là, bonne ambiance. Wow. Et donc, les partis, ils ont des produits dérivés et tout. Non, quoi, les partis, je le sais, parce que je pense que c'est ce qui finance aussi leur cabinet, les choses comme ça. Mais un président, je suis d'accord, mais c'est un peu autre chose. Est-ce que ça rapporte, il avait sorti des trucs, pardon, mais à l'époque où il était président avant, il avait sorti des trucs déjà, je crois, je sais plus. Mais bon, est-ce pardon. Que ça a un rapport avec Elon Musk? Alors c'est pas un rapport avec Elon Musk. C'est un truc de. Mais moi ça m'a d'hormone. Même surpris que Trump soit à la gouverture de Notre-Dame. Encore une fois, il est pas encore président. C'était surprenant. Ah qu'il oui. soit Attends, là. Est-ce qu'il serre la main à Jill Biden sur la photo? Il y a un échange de enfin, est-ce que c'est vraiment un échange de? En tout cas, elle lui sourit. Mais est-ce que l'axe promo c'est de dire avec ça, je peux même pécho la femme de Joe Biden? Bah, quoi. On s'approche de ça. C'est un peu ça. On s'approche de ça. C'est pas exactement pécho. Une laque pour les cheveux? Non, on s'approche. C'est pour être beau. Un parfum. Un parfum. Ah, oh là là, j'ai l'odeur. Ah, ça j'ai mal au crâne juste d'imaginer l'odeur du parfum de Donald Trump. Ouais. Oh la vache. Vous allez être surpris. Un dracard noir, mais avec les potards à 12. C'est Claude Cologne. Rien que le. Ouais, bon. Ouais. Ah, bah, je pense que ça pique les yeux, effectivement. Ah, Donald Trump utilise sa plateforme Truth Social. Il est plus sur Twitter pour promouvoir sa propre Cologne. Il y est à nouveau sur Twitter. Elon Musk l'a remis. Ah ok, je suis pas. Dès qu'Elon Musk a racheté Twitter, il a débanni Donald Trump. Ouais, donc voici mes nouveaux parfums et autres colognes Trump. Je les appelle Fight Fight Fight parce qu'ils représentent notre victoire. Un parfum qu'il vend 200$ quand même sur le site internet. Wow. Trump, mais ça les vaut, c'est le prix. Hein. Trump bon Flagrance. Ça j'aime bien. Fragrance, j'imagine. Fragrance, pardon. Cette eau de cologne pour hommes se décline même avec une gamme de parfums pour femmes vendus au même prix. Je pense que ça, pareil, ça va être une odeur délicieuse. Déjà, il est inclusif. Quasi woke, hein, je crois. ce flacon de parfum est destiné aux patriotes qui ne reculent jamais. Comme le président Trump, ce parfum est votre cri de ralliement dans un flacon, arborant l'image emblématique de Trump et de son poing levé, évidemment, après la balle qui s'était prise. Ah, bah bien sûr. Cette eau de cologne, ils sont limités, incarne la force, la puissance et la victoire. Donald Trump a utilisé une photo prise lors de la cérémonie de Notre-Dame le 6 décembre à Paris, où l'on voit la première dame américaine, Jill Biden, exactement, qui sourit à Donald. Et effectivement, le slogan, c'est un parfum auquel vos ennemis ne peuvent résister. Wow. Oh là là là, la vache. Et si je peux me permettre, un peu beauf, Trump. Si je peux me permettre. Mais, oh non. Je viens d'avoir un flashback. Charmeur quoi. Non mais je viens d'avoir un flashback. Effectivement, il avait vendu des produits dérivés puisqu'il avait vendu des NFT mais sous forme de cartes à collectionner. Ah oui, bien sûr. Où c'était Trump cosmonaute, Trump boxeur, Trump cowboy. Je croyais que tu parlais de Macron. Non, non, mais Trump, il avait vendu des cartes à collectionner où c'était lui en boxeur, lui en cosmonaute, lui en cowboy et tout. J'aime un peu bien. Non, mais voilà, sans vouloir dire du bien de Donald Trump. J'aime un peu bien. On vous a déjà demandé, vous, de faire une pub pour une marque, Benjamin? Non. Pas besoin de dire la marque. Hein, on m'avait contacté pour. Ils relançaient Orangina Rouge. Ok. Et c'était pour une compétition d'une publicité. Et que j'avais écrit avec Zaïd, où c'était un peu mon personnage Trania raconte, mais c'était vraiment au tout début. Et les gars aimaient bien ce qu'on faisait. C'était très sympa de leur part. Mmh. Ils ont gagné la compétition avec notre truc. Et ils sont partis sur autre chose. Ah ouais. Du coup, c'est assez classique. Mais en fait, vu l'oseille en cours et nous, on était au début et on s'est dit, oh, est-ce qu'on n'est pas en train de niquer le perso pour une pub? C'est pour un peu pub, dommage. Ouais. Et en fait, ils ont très bien fait puisqu'ils ont repris le personnage qu'avait utilisé Chaba, Orangina Rouge. Et oui. Du coup, c'était beaucoup mieux comme ça. En fait. Il paraît que ça énerve très fort Boudère quand on croit que c'est lui. Ouais. Ah, il dit, je ne suis pas Orangina Rouge, laissez-moi tranquille. C'est drôle. Voilà, c'est la seule fois. Mais du coup, voilà. Toi, Adrien, à époque Golden, il y a eu quelques pubs. Si on m'a demandé de. Est-ce que t'as refusé? Oh bah, oui, plusieurs. Ouais. Mais je veux, du coup, je veux pas dire. Non, mais il n'y a pas. Non, mais. Non, on parle de pub ou alors faire une story. Ça peut être aussi une story si t'as une anecdote. On m'avait. C'était un peu vexant, on m'avait envoyé un DM et c'était un produit pour. En gros, se laver les parties intimes. Ça va, j'ai pas besoin de. En gros, ils voulaient m'envoyer le truc gratos pour dire. Et en même temps, on échange une story. Je dis non, mais ça va, je sais pas. Ah, et en plus, je sais plus pourquoi, mais ils avaient tourné le message d'une telle manière que je m'étais dit, je pense que vous confondez avec mon frère. Ouais. Parce que mon frère, il a une chaîne YouTube sur la santé et tout. Et je me suis dit, peut-être c'était destiné à lui. Mmh. Mais bon, ils n'ont jamais répondu. C'était un peu vexant pour lui que je dise un truc pour les gens qui puent de la bite, c'est mon frère, je pense. Vous confondez. Il y avait une vraie raison. Toi, Jérôme, t'as déjà, sans parler, sans forcément dire les marques, t'as déjà proposé des. Oui, ouais. Et en fait, à chaque fois, j'ai le même. Je me dis, tiens, ah oui, pourquoi pas. Et au dernier moment, ça me freine. Ouais. Parce que je me dis, c'est quand même. Surtout aujourd'hui, Parce qu'avant il y avait ce côté je fais un petit truc quelque part et puis personne ne saura, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Vaguement. Et du coup oui, parce qu'en fait je me dis ça impacte forcément les films que tu sors ou un projet comme en ce moment, donc au-delà du chiffre qui évidemment peut être alléchant, je trouve ça plus impliquant que simplement faire une pub comme ça, quoi. Donc du coup petite angoisse, petite suée, ouais, pareil, à chaque fois au moment de dire. Mais ça en est bien sorti, je trouve, Judor, sur les pubs EDF et tout. Après, c'est lui qui les écrivait, c'est lui qui réalisait. Une liberté totale, Oui, mais alors, pour en avoir parlé avec pas mal de gens dans les agences qui justement venaient me solliciter, et en général, t'es plutôt le troisième ou le quatrième sur la liste. la pub de Judor pour EDF, c'est un peu le maître étalon. C'est-à-dire qu'il a réussi quelque chose de tellement chouette, tellement. Donc après, pendant des années, il venait voir les artistes. On veut ça. Mais sauf que. Et puis c'est tellement l'humour de Judor en plus. C'est ça, tout le monde n'a pas son twist d'écriture. son petit skill. Voilà, pour ça, un skill. Il a commencé dans la pub, Judor. Ah bon? Bah oui, il bossait à Publicis, je crois, si je dis pas de conneries. Judor, il a commencé dans la pub avant d'être humoriste. D'accord. Parce que la radio. Peut-être pas Publicis, mais en tout cas, il a bossé dans une agence de pub. D'accord. Les trucs radio, c'est marrant parce que même ça, maintenant, tu commences à. Enfin, les gens reconnaissent. Et c'était Vincent Dedienne qui avait une histoire marrante parce que tout le monde croit qu'il fait une pub pour un truc et c'est pas lui. Et là, t'as tout perdu. Je crois que c'est une voix pour Intermarché ou. Aldi, c'est ça. Comme Louis Garrel avec Garfield 2, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a Louis Garrel, du coup, Vincent Dedienne, pardon, il a carrément fait un post en disant vraiment, ce n'est pas moi dans les pubs Aldi et je ne touche pas d'argent. Donc vraiment, je suis perdant à tous les niveaux. Et c'est vrai que la voix lui ressemble. Maintenant, on est habitué, donc on entend que c'est pas la sienne. Ouais, mais au début ouais. Quel secteur d'activité, et après on passera à un autre petit jeu, quel secteur d'activité se retrouve en pénurie de personnel cette année? Avec Macron, il y a l'embarras du choix, j'imagine. Oh putain, mais il snipe. Range ton fusil. Bon, enfin, l'hôtellerie. Pas l'hôtellerie, alors la période de l'année est un indice. Les livreurs. Pas les livreurs. Les emballeurs de cadeaux. Non. Les Pères Noël. Les Pères Noël de marché, quoi. Ouais, ouais. De centre commercial. Pénurie, ça veut dire qu'ils sont tous. Il n'y en a plus. Assez. On n'en trouve plus. C'est là, il devait y avoir un Père Noël pour l'émission. J'en ai pas trouvé un seul. Attends, il est à combien le cachet? Oui, parce que les Pères Noël, en plus, ils. Je m'actualise. Oui, les critères de recrutement sont pas hyper. Ouais, je stresse là. Je m'actualise. Mais moi, ça me marche de Coulomiers, on te reconnaît pas, je pense. Galerie Lafayette, si ça. Enfin, moi, je veux bien le faire cet après-midi. Mais moi, je trouve ça très inquiétant qu'il y ait une pénurie dans ce milieu-là. C'est que là, ils vont recruter des gens, ça va être limite là. Ça va être hilarant. Ça va être terrible là. Tu vas voir, c'est ça. Déjà, de base, bon, oui, mais justement, c'est que si en plus là, il y a une pénurie. Ça, ils vont encore élargir les critères. Ça a aidé beaucoup les intermittents du spectacle, effectivement. En fait, tu le disais en blague, Benjamin. Mais ça veut dire vrai. Quoi? Qu'ils sont tous sur le marché et qu'on manque de. C'est ça. Tu vois, je vais t'expliquer. C'est que chaque année, ça casse-tête pour les recruteurs. Il faut trouver une ribambelle de bonhomme à barbe blanche prêt à incarner le personnage temps d'un spectacle. Ah oui, mais là, ils sont des haut fausses. De gamme. Parce que moi, je pensais à des gars avec des fausses barbes. Non, mais c'est ça aussi. Hein, c'est un tout. Hein. À l'automne, les écoles, collectivités et les entreprises privées, ça s'arrache ainsi la poignée de comédiens intermittents et intérimaires prêts à endosser l'emblématique costume rouge et blanc pour faire des photos ou distribuer des bonbons et des cadeaux comme sur les marchés. Mais la tâche est loin d'être aisée car les candidats se font de plus en plus rares. Cet hiver, par exemple, Lauriane Bartol, directrice d'une agence événementielle en Rhône-Alpes, a déjà recruté 23 Pères Noël pour des centres commerciaux, des collectivités, des entreprises privées, mais elle a tout de même été obligée de refuser une dizaine de contrats parce qu'elle a plus de Père Noël. Putain, mais je me demande s'il y a des mecs qui ont tellement un physique de Père Noël que pendant la période de Noël, ils se font des cachets à fond, puis après, ils sont tranquilles. Mais je t'emmerde. C'est vrai que tu l'as dit en regardant droit dans les yeux Jérôme, c'était étrange. Et en pointant du doigt en le filmant. Donc. Non, mais je me demande s'il y a des mecs qui, comme des mais saisonniers, quoi. Je pense pas que quoi. Tu gagnes. Bah non, je pense pas. Mais imagine, tu fais ça tous les jours pendant un mois. Non, je pense pas. Je pense que c'est minime. J'adorerais que ce soit possible, mais je pense pas. Moi, j'ai appris. Alors, je pensais pas vivre ça de mon vivant. Il y a une nouvelle tradition de Noël que je connaissais pas. Ils font ça dans l'école de ma fille. C'est le lutin farceur. Vous avez jamais entendu parler de ça? C'est un truc caméra. Ah ouais? Non. Parce que c'est un truc. J'ai plus de cachet et tout. Donc c'est moi qui ai même inventé cette truc. J'ai vu, c'est David Beckham sur ses réseaux sociaux. Il fait ça? Que je vous invite à suivre. C'est exceptionnel. Il a plein de poules et tout. C'est hilarant. Il fait du miel aussi. Ouais. Ça, c'est assez drôle. Il est assez marrant. Ouais. Mais du coup, il parle de ça et de ce truc-là. Et effectivement, c'est un truc américain, je crois, de base. Ouais, c'est ça. Je connais pas. C'est un farfadet. C'est tous les jours, c'est un lutin qui fait des conneries. Et en gros, quand ton enfant se réveille, tu renverses de la farine, tu mets des petites traces de pas comme si ça c'est inventé par un père alcoolique, ça je pense. Mais non, mais c'est le ta farceur. Mais quelqu'un a chié dans le dans l'évier. Oui, bah oui. Ta farceur, je me rappelle. C'est pas toi, papa, qui... Non, pas du tout. C'est mon père qui a inventé le lutin farceur, je me rappelle maintenant. Comme la petite souris, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve très bizarre, c'est que le Noël, l'idée, c'est de dire, bon, bah, t'es sage, t'as des cadeaux. Et là, tu dis, bah, pendant un mois, il y a un lutin qui fout la merde chez toi. Enfin, je sais pas. Le lutin farceur, il a perdu la maison au poker. Le lutin farceur, non. Le lutin farceur. Est-ce que t'étais au casino hier, papa? Ça n'a rien à voir. Non, c'est le lutin. Ah, d'accord, ok. Chers amis, j'ai un petit jeu à vous proposer, le jeu du imite ta réponse. Bien sûr. Oh, je... Bah oui, évidemment. J'ai... Alors, quel est le imite ta réponse, Jérôme? Je te vois dubitatif. Bien sûr. Je le comprends. Je vais poser des questions très simples. Oui. La réponse est quelqu'un de connu. Mais il faut répondre avec la voix du gars connu. Sachant que. Le plus vite possible. Le plus vite possible. C'est un jeu qui est assez marrant, entre guillemets, puisque ça te permet... souvent, la voix va plus vite que le cerveau. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc faut prendre son temps. Non, justement, absolument pas. Absolument, plutôt d'accord. L'inverse. L'inverse exact. Ok, ok. Non, okay. Mais c'est-à-dire qu'en gros, ça te pousse à un peu mal imiter les personnes. Okay. C'est ça qui veut dire. Tu n'es pas obligé de mal imiter, je t'en supplie, imite bien. Mais la réponse arrive tellement vite que la voix ne suit pas souvent. Okay. Vous êtes prêts? Si je vous dis par exemple, c'est l'animateur des 12 coups de midi. C'est Jean-Luc Reichmann. Voilà, non, et non. Oui, c'est la bonne réponse. Ouais, mais... voilà, tu vois. On est tous restés quoi là? Non, moi je trouve qu'il y a dit quelque chose. Je suis adoubé. Mais il a la voix plus rauque qu'avant. Ah oui, bah je trouve que je suis pas devenu. Maintenant il fait. Attends, c'est vrai. Jean-Luc Reichmann qui est maintenant, qui a un look. Moi je l'ai vu à un concert. Enfin, pas un concert de Jean-Luc Reichmann, il était à côté de moi. Et vraiment, Chouchon, j'imagine. Non, c'était McFly et Carlito, dis-toi. Et bah oui, bien sûr. Un véritable aviateur. C'est-à-dire qu'il y a un look biker aviateur de daron. Je sais pas, j'avais envie de lui payer une bière. J'ai une anecdote Souchon, je vous embête deux secondes. Ce que je vous raconte, je suis à Inter, je sors de l'ascenseur pour aller faire ma chronique. J'adore et je tombe nez à nez avec Alain Souchon. Quand même, je suis trop content et tout. Et vraiment, je vois, il me regarde, il fait « Oh !» et il me pointe du doigt. Genre, je te reconnais, mais je ne sais plus comment tu t'appelles. Oh, et donc, moi, quotidien. Je suis un peu surpris de putain, Souchon voit un peu qui je suis, quoi. Ouais. Et je fais, ah, ben bonjour, et tout. Il me fait, oh, j'adore. Mais c'est toujours pas mon nom et mon prénom, c'est pas grave, j'étais déjà assez flatté comme ça. Et j'étais tellement paniqué qu'Alain Souchon me reconnaisse. Il attendait l'ascenseur pour redescendre. Et je fais, merci. Et bon séjour dans l'ascenseur. Et je suis parti. Et tout le trajet après pour aller au studio, je me disais, mais pourquoi j'ai dit ça, mais ça, que c'est ça, nul. Oui. Espérons qu'il m'ait pris pour Aymeric Lomprey. C'est un peu ça, c'est un peu ce que j'espère. Je vais pas te mentir. Ah, c'était une catastrophe. Ah, ça, je suis spécialiste des stress. Des petites phrases comme ça où tu dis, faut que je dise un truc. Oh non, oh, nul, mais pourquoi j'ai dit ça. Quand tu te refais le film, c'était horrible. On a, du coup, on a reçu Clavier dans un autre podcast ici. Ouais. Et en fait, Clavier dit beaucoup de conneries. Des fois, il raconte anecdote, en fait tout est faux, ça me fait marrer, tu vois. Okay. Donc on a rigolé beaucoup et à un moment il raconte un truc, il fait oui, Bob Marley, j'ai vu le film avec Bob Marley, bah faut savoir que Exodus c'est inspiré d'un film avec Paul Newman, vous le savez. Je fais, c'était tout à fait vrai. Vraiment, j'ai juste pensé qu'il faisait de la merde encore, qu'il était parti dans une impro. C'était un vrai truc et je lui ai ri au nez, voilà, tout simplement. Ridicule. Attention, il était le maire de Levallois-Perret. Je sais même pas savoir. Oui, mais ça, ouais. Ah, attends. Et... Non, Patrick, ouais. Non, j'y arrive plus. Je l'ai fait. T'es le seul à pouvoir le faire. Bah ouais, c'était un petit peu une. Patrick Balkany. Patrick Balkany. Oh ouais. Ouais. Ouais, je me souviens, il y avait une. Ouais. Autant grinderie, je fais hyper bien. Ouais. C'est vrai que tu me l'avais fait en tête, c'était hilarant. Ouais, ouais. On se marrait, putain. Non, il y avait une phrase dans le. Je sais pas pourquoi, dans la série, c'était. C'est rare. Mais ça existe. Oui, madame. Oui, madame la juge. Tu as vu la vidéo d'Isabelle Balkany qui dit sur Instagram, ce n'est pas moi qu'on voit des vidéos porno. Mais oui. Ah, bien elle sûr. Est elle laisse un long silence de 25 secondes. Mais tout est culte. Oui. Quand elle fume sa clope sur sa mini, qu'elle attend, elle attend son mari qui sort de la santé. Ouais. Et les chaînes info, je ne sais plus, à bon deux inside, ans. Putain. Les chaînes info sont... Et elle est là, et il n'y a rien à voir, il n'y a rien à montrer. Quand lui va, il s'engueule avec une équipe de BFM, je crois. Oui. Bah, elle est très connue. Quand et que la caméra, et il leur confisque la caméra, sauf que le problème c'est qu'elle tourne. C'est... Moi, c'est quand il s'engueule avec son avocat, le ministre, là, devant les caméras. Oh, il dit, non, mais dites surtout que ce n'est pas moi. Et vraiment. Arrêtez, oui, s'il vous plaît, arrêtez, de dire ça. Arrêtez de parler. La gueule de Dupond-Moretti. Oui, c'est ça, Dupond-Moretti. Les gens, arrêtez, je vous en conjure. Non, mais parce qu'ils se sont trompés. Oui, ça, c'est sur son âge. Parce oui. qu'ils disent que j'ai 72 ans. Dit, non, oui, ouais. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Non, non, mais il faut le dire quand même. Est-ce qu'on parce peut que continuer? Je fais plus jeune que mon âge. Je baise encore pas mal. Sans mes doigts. Non, c'est et bon. Puis, et il y avait aussi le truc où tout le monde disait, écoutez, il faut qu'il sorte de prison parce que son état de santé ne oui, permet pas de rester. Et vraiment, deux jours après, on le voit à la fête de la musique en train de danser sur Jombe. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est elle est Jombe, il est en train de danser, tout est bon. Ouais, je crois que ça va. Vraiment, là, l'avocat, j'imagine, genre, arrêtez, arrêtez. Il rachète votre société pour 1 euro symbolique. Oh, j'ai pas les rêves, putain. Bah si, c'est un homme d'affaires. Je l'ai perdu, putain. Ouais, je suis tapis, attends, tu rigoles ou quoi? Attends, j'ai Bernard Tapie, attends. Et tout le monde va s'en rappeler, je peux te dire. Voilà. Le nom Tapie, là, tout le monde va connaître ce nom dans Paname. Pas mal. Je l'ai paumé un peu. Il a chanté ces gens-là à Amsterdam. J'ai Jacques Brel. Quoi, pardon? Après, j'ai fait les dents. Il a fait les dents. Très joli. Jacques Brel. Très joli, mais pourquoi, Jérôme Commandeur? Mais pourquoi? Mais pourquoi? La détresse dans ce... faire ça. Je vous ai vu au Téléthon, non? Bon, bien sûr, mais c'est le présentateur de la Starac. Oui, fils. c'est du miel pour mes oreilles. Ça, c'est dur. Faut dire le nom. C'est Nikos. Il y a une douceur, mais il fait un Nico tout doux. Alors qu'il c'est un pro de la baston, on rappelle. Fou de baston, on le rappelle, il se bat dans les rues. Il présentait le plus grand cabaret du monde. C'est Patrick Sébastien. Patrick. Génial. Si c'est ça les travaux, je vous dis, faites-le tout de suite, vous allez vous régaler. Oula, c'est un peu perdu. Sur la... Non, tu peux, ouais. Mais le texte était bien. C'est génial. Bah, ouais. C'était vraiment ce qu'il a dit. Je laisserai une bosse sur mon cercueil pour ça, les bien-pensants. Pour ouais. les emmerder. Ça, pour les emmerder. Ça, c'est. Moi, j'aime bien. Il y a des gens qui disent. Et il faut pas les écouter. Et ils croisent de plus en plus les bras. C'est quand même marrant. C'est quand même marrant ce qu'ils disent, les mecs. Parce qu'apparemment. Il y a une chanson, là. Fait avec l'intelligence artificielle. Moi, je préfère toujours la connerie naturelle. Qui me fait dire des horreurs qui ne seront pas du tout mes valeurs. Et c'était quoi la chanson? Je préfère chier dans mon froc. Là, devant toi, je préfère chier dans mon froc. Bon, non, c'est bon, Patrick. Attention. Je bande. Ah, quoi? Attends, quel rapport? Moi, bah, je le dis. Moi, je bande devant tes yeux. Moi, je bande encore. Et alors quoi? Foutez-moi les menottes, en fait. Il analyse des discours politiques sur Twitch. C'est Clément Victor Pierre. Oui, j'ai 12 bagues. Ouais, oui, faut 12 bagues, exactement. Allez, oui, j'aime bien le faire, mais putain, là, c'est, tu me prends de bah quoi. Oui, c'est ça, c'est ça le jeu. Ouais, c'est Clément Victor Vitch, mais putain, comment. C'est vrai qu'il est tout le temps très. Oui, Clément. Viktorovitch, voilà. Le mais mot. Et oui, mais t'avais Mouloud. Mouloud. J'avais fait Mouloud aussi. Comment va ton âme, toi? Ça va? Ça t'a passé une bonne émission? Ça va, Kylian? Qu'est-ce qu'il en pense? C'était comment la Suède? Raconte-nous. Et je l'ai. Et il m'a. Ça m'a fait plaisir parce qu'il en a parlé à Florence Foresti en interview en disant que l'imitation l'avait beaucoup fait marrer. Je m'y attendais pas, je vous avoue. Et ça m'a fait très plaisir. Rassurez-moi, parce que ça, c'est toujours ce que disent les gens qui imitent ou qui font des sketchs. Des gens prennent mal quand même vos sketchs des fois aussi. Bah, oui, bien oui, sûr. Oh là là, il y en a. Bruno Solo, il était face à moi. Je pense qu'il a pas apprécié. Ça, c'est fou, ça. Je l'ai ça, revu ça, à la Non, parce la que tu la l'avais raconté dans des podcasts et là tu lui as rappelé parce que t'avais eu une. Je l'ai revu hier. Ah c'est ouais. une esperpuleur. Parce que tu sais peut-être pas, Jérôme, en gros il avait fait un concours d'humour devant Bruno Solo. Un tremplin qui s'était très mal passé. C'était ma première fois. Mais si, tu me l'as. Et voilà, et Bruno Solo avait été un peu rudos et qu'on m'annonce que sur France Inter, en invité, je vais avoir Bruno Solo. Moi je dis, vous êtes sûr? Parce que je vais quand même lui dire. Ce qui s'est passé, lui re-raconter. Et ils me disent, t'inquiète, ça va être bonne ambiance. Je suis pas sûr. Mais, ok, et il a été très bon joueur, je dois dire. Même à la fin, il m'a dit eh, bravo, t'as eu ta petite vengeance, bien joué. Et tout, on s'est recroisé hier. Merde. Ouais, voilà. Quand même. Je pensais ce qu'il pense. Ouais. Mais, je pense mais aussi, il a été bon joueur, et quand on s'est recroisé hier, il m'a redit, il m'a dit ah, c'est, ça m'a quand même bien fait marrer, t'as bien fait. Pas de garder ça sur le cœur, c'était marrant. Ouais, après, c'est le bon en te le disant comme ça. Non, mais t'as bien fait. T'as bien fait. Enculé, plaqué contre un mur, la main sur la gorge. C'était une bonne idée, hein, ton sketch là. Non mais en vrai moi globalement les gens le prennent bien. Oui. Je pense que toi aussi mais ça arrive oui ça arrivait 2-3 qui le prennent pas très bien mais ça va. Moi j'en ai une que cette médaille sur Europe. À l'époque je suis resté longtemps et je faisais des papiers face aux invités et il y avait Gonzague Saint-Brie il est parti je peux en parler qui est un historien très médiatique qui venait beaucoup à Europe qui était en plus adorable. Et je fais une espèce d'historien un peu couillon, bref, qui s'en mêle les pinceaux. Et je mets, mais vraiment, comme j'aurais pu mettre autre chose, je fais ça un peu même à la va-vite, si je vais être honnête. Je mets que ses parents étaient collabos. Et je dis, bah, et vos parents, cher Gonzague, qui n'ont pas démérité, hein, à l'époque où l'on parlait allemand dans nos campagnes. Oh, et là, il tape du poing sur la table, il fait, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux. Et je comprends. Ah, que je suis tombé sur un vrai bah, à l'époque on a, enfin ça s'appelait pas Bad Buzz mais sur un vrai oh, dossier merde. Et qu'on avait vraiment suspecté et là va expliquer ça t'es en direct de dire mais non mais moi j'ai fait ça par hasard mais si j'avais su parce que c'est toujours drôle de parler des collabos si j'avais su qu'on vous avait vraiment on avait vraiment accusé vos parents de ça et tout et je comprends tout et lui comprend que j'ai pas fait exprès et, j'ai fini mon papier en tremblant parce que je me suis dit là c'est impossible de c'est impossible d'expliquer terrible. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Enfin, tout dernier tour de table de recommandations culturelles. Jérôme, est-ce qu'il y a un truc que t'as vu récemment, un film, du théâtre, un concert, peut-être même un bouquin, peu importe, que t'as aimé récemment, que t'as envie de partager comme ça avec nos auditeurs? Bah, y a Benjamin, il est là. Bien sûr. Alison Wheeler, son one man, qui est formidable. C'est ça. Alison Wheeler, qui est aussi dans ton sketch show, qui est très marrant. Ouais, mais qui est vraiment. Le spectacle est super. Ouais. Ok, trop bien. Il y a le jeu à l'Olympia, là, je crois, à la fin de l'année. Très bientôt. Comme ça. Ouais, très très bientôt. Et une amie de l'émission. On l'adore. Benjamin. Moi, un compte Facebook qui s'appelle Humour et Second Degré, où il y a pas mal de gifs un peu marrants. c'est un podcast qui s'appelle Le Mécanisme du Journalisme, qui est très bien. Ça parle de Pygmalion, de un peu toutes les affaires où tu dis. Oh, Pygmalion, du coup. Pygmalion, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est le Big Deal. Ouais. Toutes les affaires un peu que tu as entendu parler, tu dis oh, ça va me faire saigner du nez, j'ai absolument pas envie d'écouter cette affaire. Et en fait, c'est expliqué par le journaliste comment il a fait l'enquête. Et, trop bien. Et souvent, c'est des erreurs des politiciens qui fait que l'affaire a éclaté au grand jour et c'est hyper intéressant et il y a plein d'épisodes voilà je vous conseille vivement sur Radio France je crois sur l'appli Radio France. Magnifique. Adrien, écoute une petite recommandation jeu vidéo puisque ça fait longtemps c'est un compte Instagram et je crois que c'est aussi une chaîne YouTube ça s'appelle c'est Bonne Étoile JV tout attaché et c'est jeux vidéo voilà et donc moi je le suis sur Instagram et toutes les semaines il fait des recommandations de jeux indés donc pas des jeux dont on a beaucoup entendu parler et je trouve qu'à chaque fois ça déjà c'est assez concis il s'éternise pas sur dans des palabres et non et en plus je trouve que sa sélection est vraiment super à chaque fois trop et c'est vraiment trop bien quoi je suis à chaque fois c'est tout type de jeu c'est que PC. C'est... Non, pas que. Beaucoup parce que PC. Non, mais c'est la question qu'allait poser Jérôme, je crois. Donc c'est bien que Benjamin t'es doublé. Oui, c'est mieux. Ouais. Non, c'est beaucoup PC, mais pas que. Okay, okay. Beaucoup de jeux sortent sur plusieurs plateformes. Okay. Mais à chaque fois qu'il fait une sélection, il y a au moins un jeu où je me dis ah, ça m'intéresse. Donc il a en tout cas, il a des goûts qui sont compatibles avec les miens. Et c'est très bien. Très bien. Eh bien, moi, j'ai une reco un peu méta. Les recos du floodcast.wtf, c'est des fans de l'émission qui ont en fait fait un site internet. Génial. Ils mettent toutes les recommandations depuis 10 ans, quand même, hein, pas mal. Wow. Avec en plus des liens cliquables. C'est-à-dire que quand on prend un bouquin, tu ils peux cliquer. Ils ont fait le boulot qu'on n'a jamais ans. Fait depuis 10 ans. Donc, les recos du floodcast.wtf, what the fuck. Génial. Peu, voilà. Et du coup, il y a tout depuis la création de l'émission sur, voilà, si on cite un film, il y a le IMDb, s'il y a. Génial. Génial, parce que je me demandais justement, je voulais même. Voilà. Donc, on leur fait un gros shout-out aux gens qui ont fait super, ça, je l'ai vu passer vite fait sur mon Insta, mais voilà, je voulais les remercier d'avoir fait trop ça, bravo à vous et voilà, trop bien, voilà, bon merci tout le monde, merci beaucoup, salut. Ciao, bye. Il s'agissait du flow de cast, pardon.